chef de sang Christ, à travers le monde, que Dieu vous bénisse abondamment et puissamment au nom de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus, notre infiniment magnificent, superbement excellent Seigneur et Sauveur, qui est mort sur nous sur la croix, qui est assis à la droite de la majesté divine, qui intercède pour nous, notre principal sacrificateur, le grand pasteur de nos âmes, le prince de la vie, le prince de notre joie, le prince de notre salut, de notre paix, de notre santé et de notre bonheur. C'est par lui que je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne, Jésus-Christ, c'est lui qui porte son nom, cette trompette parmi tant d'autres. Nous nous excusons d'une heure de retard et nous étions en train de régler tous les détails, que ce soit de mon côté ici à Houston, que ce soit du côté de Junior au niveau du Cameroun qui est déjà connecté sur l'un de nos moniteurs, je peux le voir. Et bonjour Junior, je te passerai la parole dans quelques instants, c'est vraiment une joie. Donc voilà, soyez les bienvenus, sans plus tarder, nous allons magnifier Dieu, l'élever par ce mot de prière. Je vous prie de vous joindre à moi dans ce mot de prière. Ô Père, ô Éternel, Dieu infiniment grand, ô Dieu très cher, Dieu puissant, Dieu revêtu d'éclat et de magnificence, toi qui habites au-dessus des cieux les plus élevés, Dieu, mon cœur t'exalte, nos cœurs t'exaltent, merci infiniment. Tu es un grand et infiniment grand et élevé. Oh Seigneur, nos âmes t'exaltent. Merci Seigneur pour ta majesté. Merci Seigneur pour ta grandeur. Oh Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour le privilège d'être appelé tes enfants, les enfants du Dieu très haut. Seigneur, nous t'exaltons. Nous te magnifions. Seigneur, à toi la gloire. Nous proclamons, nous crions que tu es saint. Tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Merci pour ta sainteté. Merci pour ce que tu es. Tu es un Dieu pour nous. Tu es Dieu. Seigneur, merci. Merci infiniment. Merci pour ces moments que tu as rendus disponibles pour le souffle de vie que tu nous as conservé aujourd'hui et pour le vouloir et le faire que tu nous as donné afin de venir encore pour proclamer l'infinie grandeur de ta parole merveilleuse et inégalable. Nous te remercions. Nous t'exaltons. Nous t'adorons. Oh Dieu, merci. Nous n'avons pas de mots pour te dire merci, pour te rendre grâce, pour te magnifier, pour t'exalter. Tout simplement, merci Seigneur, merci Seigneur, merci grand Dieu, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc voilà mes frères et sœurs, nous nous excusons de ce grand retard d'une heure de temps. Et comme je vous l'ai dit, ce n'était pas facile de synchroniser nos connexions, Richard, Junior et moi du côté du Cameroun, Junior du côté du Cameroun. Et je vous souhaite la bienvenue. Et avant même de commencer, comme nous avons Junior, je vais annoncer joyeux anniversaire à Josué Ruben Nemlama, qui a eu un an hier, le 1er mai 2012, justement le fils de Junior. Donc hier, 1er mai, le fils de Junior, Josué Ruben Nemlama, a eu un an. Et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Donc, joyeux anniversaire, Junior, Junior. Donc, vraiment, c'est une joie. Et comme je l'ai annoncé, en fait, sur Facebook, il y a quelques instants, j'avais pensé avoir un plan B. C'est depuis des semaines que nous attendons Junior, depuis des semaines. Et je rends grâce à Dieu de ce qu'il est là, finalement. Et j'avais annoncé ce sujet que vous voyez sur votre écran, le sujet du mot « onction ». Une arme de destruction massive que les faux pasteurs utilisent pour tromper, voler, escroquer, intimider, dominer sur le peuple de Dieu. Et on aurait pu voir ça aujourd'hui, mais je suis désolé, c'est un sujet que je vais aborder avec vous demain. En fait, c'est le sujet que Dieu a mis dans mon cœur à travers l'intervention hier de la sœur Nimbias et Ebenezer Christelle du côté de la France. Donc, c'est un sujet que nous aurons demain. Contrairement à ce que j'ai annoncé, parce que c'est pas facile d'avoir Junior, la connexion au Cameroun, les problèmes de l'électricité, les coupures intempestives de courant. Donc, une fois qu'on l'a eu, je pense que profitons de l'occasion. Donc, voilà, je vais passer la parole à Junior dans quelques instants. Donc, c'est tout simplement pour annoncer le sujet aujourd'hui. Pour annoncer le sujet, Junior viendra nous parler vraiment de l'évangile de prospérité à travers les Écritures. Donc, nous allons voir un fondement biblique approfondi sur ce mouvement d'évangile de prospérité. Qu'est-ce qui est derrière? Comment il se manifeste, etc. Donc, ce sera le sujet aujourd'hui. Et Demain, comme je l'ai dit, nous allons revenir sur ce que vous voyez sur votre écran, le mot onction qui est utilisé comme une arme de destruction massive par les faux pasteurs pour escroquer, intimider, voler, dominer, exploiter le peuple de Dieu. Et voilà, et comme je l'ai aussi annoncé, mes frères et sœurs, samedi, nous aurons une émission spéciale de Kirk Franklin, la face cachée d'un instrument de Satan entre les mains des chrétiens. C'est quelqu'un de tellement célèbre dans le monde du gospel, c'est un Américain. Et beaucoup d'églises, beaucoup de chantres, la plupart des chantres dans le monde francophone, et même aux États-Unis, s'inspirent de lui, on le prend comme un modèle, comme une idole. Donc on va vous montrer la face cachée. En fait, cet homme que vous voyez sur votre écran, c'est un instrument de Satan pour introduire l'homosexualité dans l'Église. Et nous l'avons découvert, et samedi, plaise à Dieu, si Jésus ne revient pas que temps, et si le Seigneur nous conserve le souffle de vie, samedi, nous allons montrer comment cet homme est un instrument de Satan pour véhiculer l'agenda de Satan d'infiltrer l'homosexualité dans le corps de Christ. Et beaucoup de chants, et d'ailleurs, il y a un concert qui se prépare en France au Zénith, qui aura lieu en octobre, et il semble que c'est une église en France qui a invité cet homme. Et nous faisons cela pour sonner l'alarme, pour avertir les bien-aimés frères et sœurs du danger qu'il y a aujourd'hui. Non seulement les législations, les cours suprêmes, les États, vous avez entendu le président François Hollande, et je crois qu'en France, l'homosexualité, le mariage des gays, des homosexuels est quelque chose de légal aujourd'hui. Le président Obama, la semaine passée, mercredi, a dit qu'il se prononçait en faveur du mariage homosexuel. Et non seulement dans les États, il y a aussi la stratégie d'infiltrer l'homosexualité dans le corps de Christ. Et nous devons avertir le peuple de Dieu. Cet homme, samedi, nous allons le laisser parler. Nous avons des vidéos où lui-même parle. Ce n'est pas Georges qui viendra ou conforte. Cet homme va parler. Donc, mes bien-aimés, j'ai Junior avec moi. Et c'est vraiment une joie, une allégresse de la voix. Oh Seigneur, merci infiniment. Donc sans plus tarder, je vais passer la parole à notre bien-aimé Junior qui va introduire, je vais lui laisser la parole parce qu'il va enseigner, il y aura peut-être des questions de temps en temps, mais je lui laisserai la parole pour qu'il enseigne lourdement, profondément par rapport à la Haute Écriture. Donc voilà, il est sur les moniteurs, voilà. Il est sur un des moniteurs, je peux le voir. Et donc, c'est vraiment une grande surprise. La plupart des frères ne savaient pas à quoi ressemble Junior. Donc, c'est vraiment une joie de l'avoir. Et pour la première fois, vraiment, sur Jésus-Christ TV, nous avons notre bien-aimé frère. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Donc, sans plus tarder, mes frères et sœurs, je vous passe Junior. Donc, bonjour Junior, je te passe la parole. Assure-toi que ton micro est on et je te passe la parole. Tu es en direct maintenant sur Jésus-Christ TV. Bonsoir, frère Georges. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous ceux qui, dans le monde entier, en quelques lieux, pour nous écouter maintenant, que vous allez voir cette émission sur Jésus-Christ Télévision. Bonsoir à tous mes bien-aimés dans le monde entier. Bonsoir à vous tous qui vous connectez maintenant, vous qui êtes en direct. Bonsoir, frère Georges, et beaucoup de courage pour ce que tu fais dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Bonsoir à tous ceux qui écoutent et qui voient ce message sur Jésus-Christ Télévision, ou même Internet, vous tous qui nous suivez, de bout en bout, vous tous qui avez décidé de suivre Jésus dans la voie de la sainteté, de l'honnêteté dans la vérité, sans vous détourner de quoi que ce soit par rapport à la vérité. Donc je suis content de vous rencontrer encore une fois de plus après de multiples rencontres qui n'ont pas eu lieu comme le frère Joshua tout à l'heure. Donc frères et sœurs dans le monde entier, je me remets entre les mains du Saint-Esprit uniquement dans sa parole. Pour pouvoir parler de ce thème-ci. Le thème, je vais parler aujourd'hui de l'évangile de prospérité face à la Bible. L'évangile de prospérité face aux Écritures. Donc nous allons parler aujourd'hui, nous allons aller dans beaucoup d'endroits dans la Bible, dans beaucoup de fonds cancombes de la Bible, nous allons étudier doucement, parce que je crois que c'est l'une des missions de Jésus-Christ Télévision, d'exhorter, d'enseigner les gens afin que les gens puissent être édifiés, parce que l'une des erreurs qu'on fait très souvent, c'est de dire que ceci est faux, ceci est faux, sans dire exactement pourquoi c'est faux, et autre chose, c'est qu'on n'enseigne pas en profondeur. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'enseignement en profondeur pour voir comment expliquer l'écriture. Les Écritures enseignent par rapport à un thème. Conséquent, on va entrer dans un débat des discussions et des disputes. Or, les serviteurs de Dieu ne doivent pas avoir de disputes, ni des discussions ainsi. Donc, frère, Je sais, vous qui êtes partout dans le monde entier, que le Seigneur vous comble alors que nous sommes en train de suivre ce message-ci. Donc, je ne pas rappeler encore, c'est l'évangile de prospérité ou bien l'évangile de la prospérité face à l'Écriture. Donc, nous allons confronter, et Frère Georges, nous allons confronter comme ça, parce qu'en cette fin de temps, si nous allons confronter tout genre de doctrines qui ont été enseignées à l'Église, à un moment donné, nous allons confronter tout ça aux Écritures. Voilà pourquoi Dieu nous envoie en cette fin de temps pour parler au cœur, pour parler aux frères et sœurs. En fait, à tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ. Donc, cet évangile ne concerne pas tout le monde. L'évangile de Jésus-Christ ne concerne pas tout le monde. Il concerne tout simplement ceux qui veulent vivre dans la vérité. Pour ceux qui ne veulent pas vivre dans la vérité, ça les regarde. Donc, nous prêchons aux élus de Dieu. Nous prêchons à tous ceux afin que personne n'ait d'excuses devant le Seigneur et pour rassembler dans le règne de notre Seigneur Jésus-Christ tout ce qui est à lui. Donc, nous allons parler de l'évangile de prospérité face aux Écritures. Commençons comme ça, si vous le voulez. S'il vous plaît, bien-aimés, frères, prenez votre Bible. J'ai ma Bible devant moi. On va parler tout au long de cette soirée. Selon que le Seigneur va nous guider. Commençons comme ça dans le livre de Luc au chapitre 12. Commençons là, Luc au chapitre 12. On va lire à partir du verset 13. Du verset 13 au verset 34. Luc chapitre 12. Lisons, en prenant comme fondement comme ça les Écritures. Et on va aller de fond en comble dans l'Écriture. Donc, je propose donc qu'on aille de cette façon-ci. Examinons donc comment cette doctrine-là est enseignée. En fait, dans le monde entier, vous savez ce que c'est que la doctrine de prospérité. Cette doctrine-là, ça veut, l'une des fondations, c'est que nous sommes en Christ. Comme nous sommes en Christ, nous avons tout en Christ. En fait, c'est vrai en partie, mais la façon dont on présente, dont on miroit cela n'est pas exactement ce que Christ enseigne. Non, parce que l'Écriture enseigne. Donc, on dit donc que si quelqu'un est pauvre, alors forcément, il a un problème ou bien c'est une malédiction. Par conséquent, il y a des chrétiens qui sont frustrés dans les dénominations parce qu'ils croient peut-être qu'ils sont sous la malédiction ou bien ils vivent dans le péché, c'est pour cela qu'ils sont pauvres. Alors qu'on n'a pas compris que l'évangile de Dieu n'est pas venu pour donner de l'argent ou bien de la richesse mondiale aux gens. L'évangile de Dieu est venu affranchir de la colère de Dieu à venir et de nous restaurer à la position initiale que nous avons avant la chute de l'homme. Donc nous allons lire ici, au travers de l'Écriture, voyons ce que la Bible appelle richesse, comment les chrétiens doivent être riches, comment on doit faire pour être riche selon la richesse de Dieu. Et par la suite, frère, si vous le proposez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va montrer comment les chrétiens doivent se lever. Parce que l'une des choses que j'ai remarqué, c'est que depuis que les chrétiens sortent de dénomination et ils ont appris qu'on n'a pas payé les dîmes, l'une des choses, c'est qu'on ne parvient pas à savoir comment faire. En fait, il y a effectivement une façon de semer et de récolter. Il faut que les chrétiens sachent là. On ne veut pas rejeter tout un bloc qui est enseigné là-bas. On va montrer le principe des semences. Donc, on se retrouve ici, et cet évangile de prospérité, face à l'Écriture, on va voir au travers de la Bible toujours comment Dieu demande aux chrétiens de semer. Donc, je vais aller dans les Écritures montrer comment Dieu demande de semer. Mais au préalable, confrontons donc d'abord la doctrine de la prospérité telle qu'enseigne depuis les États-Unis qui a infesté tout le monde entier maintenant. Confrontons cela aux Écritures. Lisons donc d'abord ce que le Seigneur dit. Par la suite, frère, on va aller voir les différents personnages dans la Bible que les gens utilisent pour. Vous savez très bien que c'est cette méthode-là qu'il faut. Dans cette méthode-là que je vais vous amener. Je vais prendre en premier lieu Abraham. Par la suite, je vais prendre Moïse. Je vais prendre Job. Je vais prendre Salomon. En fait, si vous regardez très bien dans le Nouveau Testament, j'ai fui pour voir les riches là-bas. Je n'en ai pas vu. Mais on va aller quand même dans le Nouveau Testament également et voir les riches qui étaient là-bas et on voit comment ils en étaient, comment ils sont devenus riches et comment ils ont fait avec leur richesse. Donc, bien aimé dans le Seigneur, c'est comme ça que nous allons élaborer maintenant. Présentation d'abord de la doctrine des prospérités au travers des Écritures, de confronter au fur et à mesure ce que Dieu lui appelle la richesse, comment les chrétiens doivent enseigner, s'aimer et comment ils doivent récolter. Donc, on va vraiment lire beaucoup d'Écritures parce que c'est vraiment une doctrine pernicieuse qui est en dans l'Église. Donc, bien aimé, avançons. Je prie, Seigneur, que tu utilise cette écriture, ce que délivrer quelqu'un de tous ces jours où Satan a injecté dans l'Église ou perverti ton œuvre. Commençons donc, bien aimé, dans le livre de Luc au chapitre 12. Luc chapitre 12, je vais lire à partir du verset 13 jusqu'au verset 34. Luc chapitre 12. Écoutez bien, Luc chapitre 12, je retourne dans ma Bible, oui. Du verset 12, du verset 13 jusqu'au verset 34, oui. Maintenant, la Bible déclare. Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire votre partage, les biens matériels, pour toucher à vos biens matériels, qui m'a établi pour être la justice ?» Rejette ici directement pour dire, « Il n'est pas venu séparer sur les biens matériels, sur la terre, il n'est pas venu pour cela, ce n'est pas sa mission. » Maintenant, verset 15, Jésus-Christ va commencer à énoncer certains principes qu'on va développer tout au long de cette émission. Il dit, puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice. Gardez-vous avec soin. Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fuit-il dans l'abondance. Donc notre Seigneur Jésus-Christ est en train de dire directement que la vie, souvenez-vous, il est venu afin que les brebis aient la vie. Il a dit, je donne ma vie pour mes brebis, mes brebis me connaissent. Je les donne la vie afin qu'ils soient dans l'abondance. Jésus ne dit pas que la vie est liée à l'abondance des biens matériels. Il dit, la vie d'un homme, justement, ne dépend pas de ses biens. Pourquoi? Parce que la délivrance qu'il a obtenue sur la croix de Golgotha n'était pas pour un bien matériel. Absolument pas. Donc, le bien matériel ne participe pas à la vie. Maintenant, il dit, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferais-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dites ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai des plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même, et qui n'est pas riche pour Dieu. Donc si on s'arrête là-bas, on voit directement que le Seigneur Jésus-Christ nous dit clairement que la vie d'un homme ne dépend pas du nombre de ses biens sur la terre. Donc, vous tous dans le monde entier qui m'écoutez maintenant, quel que soit m'écouter, ce n'est pas parce que tu es pauvre, ta vie ne dépend pas là-bas. Quelqu'un peut être riche, aller en enfer, quelqu'un est pauvre, effectivement, et aller au paradis. Écoutez très bien là, il faut que ce soit clair. Donc ce n'est pas le nombre de la richesse qui fait que tu sois agréable devant le Seigneur, ce n'est pas le fait que tu sois pauvre ou riche, jamais. Dieu, la Bible déclare, on va voir dans la suite, que Dieu a fait le pauvre et le riche. Et Jésus-Christ, souvenez-vous, lorsqu'on est venu verser le parfum, quand le Seigneur devait être crucifié, cette femme-là est venue verser le parfum sur les pieds de Jésus. Notre Seigneur, les disciples sont levés en disant qu'il fallait à quoi bon de gaspiller toutes ces choses. On devait verser ces parfums de 400 ans, acheter, vendre et donner aux pauvres. Jésus-Christ a dit, il y a des pauvres, il y aura toujours des pauvres parmi vous. Donc, Dieu a fait des pauvres, on va voir dans la suite de l'émission, que Dieu a permis que les pauvres soient là afin que nous exciter à la charité, afin que nous soyons en communion les uns les autres, c'est-à-dire que nous rencontrons sur ce terrain-là des partages et de la charité mutuelle. Qu'est-ce que Jésus dit ici? Il dit au verset 21, il dit, il en est ainsi de celui qui amasse des trésors. Souvenez-vous de ce qui s'est passé. Cet homme avait beaucoup de richesses, il s'est concentré sur sa richesse, sur la personne de sa richesse. Il n'a pas compris que lorsque Dieu te donne en abondance, c'est pour que tu partages avec les autres. Donc si quelqu'un m'écoute maintenant, il a en abondance, il a des terres, des maisons, des voitures ou quoi que ce soit, des biens matériels, des comptes fournis, et qui se dit chrétien sans partager avec des frères, des soeurs dans le monde entier qui sont en souffrance, des veuves, des orphelins, comme on va voir tout à l'heure là, alors il est exactement comme ces riches. Il a de manger pour lui-même. Voilà comment ça se manifeste aujourd'hui, pour vous qui m'écoutez maintenant. Ce style d'esprit qui est sur cet homme qui se manifeste ici. Vous pouvez voir de telles personnes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont amasser beaucoup de choses dans le trésor, des comptes en banque. Les gens, ils vont avancer des choses dans les comptes en banque pour les enfants qui ne sont pas nés, ainsi de suite, pour préparer, mettre des gardes pour par rapport à des récessions, à une récession future qui pourra venir, à une famine qui pourra venir plus tard. Pourtant, c'est pas ce que notre Seigneur nous dit. Il dit, Jésus dit ici au verset 21, il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même. C'est-à-dire, si tu amasses pour toi-même, pour toi, ça peut être ta propre personne, pour tes enfants et pour ta maison, et pour mettre ta maison en sécurité. Il dit, et qui n'est pas riche pour Dieu. Dans ce cas, comment être riche pour Dieu? Comment est-ce que le Seigneur dit qu'il faut croire qu'on soit riche pour Dieu? On est riche pour Dieu lorsque on comprend que les bénédictions que Dieu nous donne n'est pas pour nous, mais c'est pour que les autres en jouissent. Remarquez très bien comment les gens fertilisent les sols. Regardez comment la pluie tombe sur le sol, ça fertilise. Regardez comment le courant de l'eau est à l'écoute, comment l'eau circule en abondance, ça bénit tous ceux aux alentours duquel l'eau passe. Ça bénit les troupeaux, ça désaltère les troupeaux, les gens qui sont en bord dans ces villages, dans différents villages où ça parcourt, et on fait l'irrigation pour semer le maïs, ainsi de suite, les légumes, ainsi de suite. Vous voyez que vous prenez, vous qui maintenant, si vous regardez le robinet qui est à votre maison, les tuyaux de canalisation symbolisent ces tuyaux-là, cette conduite de bénédiction. Quand vous ouvrez votre robinet, vous remarquerez que lorsque vous ouvrez le robinet, vous puisez de l'eau pour boire. Le robinet sort, l'eau sort de quelque part et ça arrive chez vous. C'est un symbole de bénédiction. Le robinet, quand vous ouvrez le robinet là est pour dispatcher l'eau à quiconque veut voir ou être là. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on soit riche pour Dieu. On est riche pour Dieu lorsque on laisse les bénédictions parcourir notre vie et toucher les vies des autres. Donc, la vraie richesse dont selon Dieu, c'est lorsque tout le monde, les gens qui ont faim, les gens qui ont soif, parvient à avoir part à cette bénédiction dont Dieu nous a fait grâce. Et si on comprend ce principe-là, que ce que Dieu nous donne, ce n'est pas parce que nous aurons travaillé, écoutez, tout ça vient dans le monde entier. Parce qu'il y a des personnes qui se tapent des poitrines en disant que c'est parce que j'ai bossé dur que j'ai eu cette bénédiction. D'autres disent que c'est parce que j'ai trop fréquenté que j'ai eu cette bénédiction. D'autres disent que c'est parce que je suis né dans une famille bien, mon père était un héritier, que j'ai eu cette bénédiction, je rends grâce à Dieu pour cela. Oui, si tu rends de façon de grâce à Dieu, il faut également partager cela à tous ceux qui sont avec toi. Continuons la lecture. Maintenant, regardez bien. Pour ceux donc qui croient qu'ils sont riches, ils sont en bénédiction avec Dieu, et c'est la bénédiction de Dieu, et que les gens sont maudits, regardez très bien. Ceux qui n'ont pas de richesse, regardez la suite du verset, à partir du verset 22 maintenant. Regardons bien aimé dans le monde entier, que le Seigneur vous comble, et je prie véritablement que le Saint-Esprit puisse utiliser ce message pour parler au cœur de quelqu'un. Regardons le verset 22 du livre au chapitre 12. Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. S'il y a une histoire, maintenant, la fin de temps, c'est la soif comment à protéger vraiment ses intérêts, la soif à protéger vraiment sa famille, comment on doit se vêtir pour être vraiment vu des hommes. Je dis dans un principe ici, pour dire qu'on ne doit pas se focaliser sur la chair, on ne doit pas se focaliser sur la terre. Trois choses qu'il dit ici. Il dit, c'est que vous, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Un, de ce que vous mangerez, deux, pour votre corps, de quoi vous serez vêtu, trois choses. Et remarquez très bien, c'est ça qui concourt, qui est dans la doctrine de la prospérité. Lorsque la doctrine de la prospérité saisit les gens, l'inquiétude va commencer. Comment on va être riche? Comment on va se montrer aux yeux des gens? Alors, la convoitise va saisir. Écoutez très bien, bien aimé, c'est les trois choses aussi, comme on n'a pas compris ici, que le Seigneur a de nous enseigner, qui va faire que les gens vont commencer à aller à la dérive. Première chose. Jésus dit, il ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez. Lorsque l'inquiétude entre, la convoitise va s'installer. Les gens vont commencer à vouloir chercher les voies et moyens pour protéger leur vie. Imaginez qu'il y ait des exceptions. Les gens vont savoir, quand on annonce à la radio qu'il y a des crises économiques qui se préparent, les choses vont arriver. Remarquez bien la récession qui a eu lieu des précédentes années, comment les gens sont donnés la mort. Pourquoi? Parce que leur économie, partout où ils avaient fait, partout où ils avaient mentionné, eh bien, ils avaient accumulé les richesses comme cet homme riche. Ils avaient mis tout leur espoir. Et je ne sais pas dire dans le chapitre 12, verset 34 et 33, il dit là où il y a le cœur, le trésor, là où sera comme cœur. Donc il ne faut pas que le cœur des frères et le cœur des sœurs dans le monde entier soit figé sur les trésors de la terre. Aucun verset biblique, je vous le dis maintenant dans le monde entier, aucun verset biblique n'excite le chrétien à être riche sur la terre. Jamais. Aucun, je recommence encore, aucun verset biblique n'excite le chrétien à être riche sur la terre. Comment vous travaillez les Écritures? Donc, notre Seigneur Jésus-Christ dit qu'il faut qu'on prenne garde, qu'on ne soit pas troublé, qu'on ne s'inquiète pas pour notre vie, ce que nous allons manger, ce que nous allons manger, notre vécu quotidien, qu'on fasse confiance entre ces mains. Pourquoi? Parce que souvenez-vous, lorsque vous êtes venu à Jésus-Christ, vous êtes venu à Jésus-Christ alors que vous étiez uniquement destiné pour la géhenne, le lac de feu. Maintenant, il nous a sauvés dans sa miséricorde selon sa grâce. Maintenant, il va nous donner toutes choses selon son bon conseil, selon sa volonté, pas parce que nous aurons resté des prières, pas parce que nous aurons gêné, pas parce que nous aurons lu la Bible, pas parce que nous sommes trop bons, nous avons évité les péchés. Non, ce n'est pas pour cela que Jésus nous donne quoi que ce soit. Ce n'est pas pour cela que Dieu nous donne quoi que ce soit. Dieu nous donne de sa grâce tout simplement parce qu'il nous aime et il le fait en son temps. Donc maintenant, regardons ici, verset 23, il va dire, la vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Donc, considérez maintenant le corps. Regardez très bien. Dieu a déjà enveloppé le corps comme il lui plaît. Donc, on cherche à porter des habits somptueux, à être richement vêtu afin qu'on nous voie. Il y a des gens qui sont dans la possession maintenant. Qu'est-ce qui se passe? On essaie de faire la compétition dans les dénominations. C'est des coupes des voitures, des coupes des avions, comme le frère Jean Montier sur cette antenne, les pasteurs qui ont font des compétitions. J'ai tel nombre d'assemblées, j'ai tel nombre d'avions, de jets privés. Alléluia. Donc, on va y arriver. Considérez comment le Seigneur qui dit, nous sommes au verset 24 là, considérez les corbeaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier. Et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Vous voyez, Dieu a dit nous ici de ne pas nous inquiéter. Dieu nourrit les oiseaux, Dieu nourrit n'importe quel insecte sur la terre, même le serpent, même qui circule. Dieu leur apporte la nourriture. À combien de raisons nous qui avons été sauvés par la grâce, par le moyen du sang de Jésus-Christ. Donc on ne devrait pas s'inquiéter. Donc vous voyez très bien que sous les écritures, vous allez voir que toute la faune de l'animal, des animaux, qu'est-ce qui se passe? Tous les animaux respectent les principes que Dieu a initiés pour eux dans leur groupe et dans leur espèce. Mais c'est seulement l'humanité qui crée le problème à Dieu. C'est terrible. C'est seulement l'homme qui est fait à l'image de Dieu qui lui crée des problèmes parce qu'on ne parvient pas à respecter les principes de Dieu. Dieu nous dit ici qu'il faut qu'on crée, qu'on fasse confiance en lui. Donc ce qui a inquiété, ce qui a introduit cette doctrine de la prospérité, l'une des raisons qui a introduit la doctrine de la prospérité, c'est le manque, un, de connexion avec Dieu des armées, le Dieu du ciel. Deux, le manque de foi en la parole. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de témoignages vivants de l'apport de Dieu ou bien de la providence même de Dieu. Donc on n'attend plus la providence de Dieu, on ne s'attend pas à Dieu. Par conséquent, on se remet aux hommes. Et dans le livre de Jérémie, chapitre 17, la Bible déclare « Malheur, maudit soit quiconque se confie à un homme ». Aujourd'hui, on se remet aux hommes. On croit que peut-être on a parti parce qu'on a parti à un ministère, il y a la richesse là-bas, cette richesse va nous contaminer. J'ai circulé dans le monde entier, j'ai remarqué très bien qu'il y a des endroits où on prêche, les gens, on n'aime pas que les gens viennent vêtus d'une certaine façon pour qu'on ne regarde pas l'intérêt de la pauvreté. Par conséquent, les gens viennent dans ces endroits, ils s'habillent bien, mais à l'intérieur, ils souffrent. Or, ce qui est important véritablement, c'est qu'à l'intérieur, il faut que les gens se partagent les uns les autres. Qu'il y ait cette communion-là entre les frères et sœurs dans le monde entier. Il ne doit pas avoir des disgrâces, il ne doit pas avoir des dislocations, des dénivellations entre les frères et les sœurs dans une même assemblée, encore moins dans le corps du Seigneur. On doit se partager mutuellement. On doit partager tout ce qu'on a. On n'est pas seulement frère, tout simplement parce qu'on dit je suis ton frère dans le Seigneur. Non, ce n'est pas suffisant. Tout ce qu'on a, c'est à partager les uns les autres, depuis la maison jusqu'à tout ce que nous avons comme bien matériel sur cette terre. Frères bien-aimés, doucement dans le Seigneur, nous allons continuer. Nous allons avancer, nous allons voir comment le Seigneur va nous mettre ses principes. Donc, regardons, depuis cette passage, on voit directement comment Dieu met en garde les riches de la terre. Que tout homme qui est riche et non pas pour Dieu, tout homme, écoutez très bien, il ne faut pas qu'il y ait de la madame. Il ne faut pas qu'il y ait de la madame. Il y a la richesse, il y a des richesses sur la terre et qui sont exactement un don de Dieu. Parce que Dieu a désigné dans sa volonté, dans sa prescience. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas être riche. Il faut bien que vous, frères et sœurs, vous comprenez ce que je suis en train de dire. Et donc, il dit que la course à la richesse n'est pas pour le chrétien. La course à la richesse. Le désir de vouloir s'enrichir parce qu'il y a des gens qui prêchent. L'un de leurs passages favoris par rapport à ces choses, c'est que Jésus-Christ qui s'est fait pauvre afin que nous soyons riches, enrichis. On va voir tout ça et comprendre exactement ce que la Bible dit. Les deuxièmes passages qu'ils utilisent, que les gens de l'identité de la possibilité utilisent pour dire, c'est dans le livre de Apocalypse, chapitre 1, verset 6, où on dit qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs et de rois sur la terre et nous régnerons avec lui. On va venir doucement et on va voir ce que la Bible dit. Si la Bible nous a dit clairement d'y aller. Donc, la Bible déclare donc à partir du verset, on continue à faire une histoire dans le monde entier, au verset 25, la Bible dit, qui ne vous passe ses inquiétudes, écoutez bien aimé, qui ne vous passe ses inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, Dieu il appelle le souffle qui peut ajouter moindre chose, la moindre chose. Il dit, pourquoi donc vous inquiétez, vous direz. Donc, le Seigneur veut inciter ici ses disciples à faire totalement confiance à lui pour leurs besoins. Si tu es dans les peines, si tu es dans les difficultés, dans la famille, on ne te comprend pas bien, mes frères et sœurs, quelle que soit ta situation, ça peut être le problème de papier que tu veux résoudre et que tu ne sais pas comment aller dans l'administration. Mettez la confiance dans le Seigneur Jésus-Christ qui va vous guider. Dieu ouvrira les portes. Il dit, je marcherai devant de toi. Souvenez-vous de Psaume 91. Il dit, celui qui demeure sous la vue du Très-Haut repose à l'homme du Tout-Puissant. Et dans notre psaume, il dit quoi? L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Donc, si tu crains, tu vas marcher dans les commandements et Dieu est avec toi. Vous souvenez? Il a dit, aucune chose ne manque à ceux qui le craignent. Remarquez très bien. Il dit, les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui craignent l'Éternel sont privés de aucun bien. Donc, si tu as des problèmes, n'importe quoi, confie-le tout simplement au Seigneur et repose-toi seulement là. Le problème arrive avec nous, et c'est l'expérience que j'ai eue dans la marche chrétienne, c'est que beaucoup de personnes soumettent un problème à Dieu et cherchent des hommes pour le résoudre, ou bien tentent de le résoudre par eux-mêmes. Et Dieu ne veut pas. Dieu veut les gens qui sont totalement, écoutez bien aimé, totalement acquis à sa cause, c'est-à-dire les gens qui lui sont totalement consacrés. Les gens qui dépendent, qui comptent sur la souveraineté de Dieu dans leur vie. Des gens qui comprennent que Dieu est souverain, Dieu est leur souverain et qu'il décide de leur vie comme il lui plaît. Souvenez-vous d'Ésaü et de Jacob, comment Dieu a décidé dans sa souveraineté de choisir l'un et de rejeter l'autre. Donc, si tu es venu à Jésus, si tu es venu à Jésus de la bonne façon, et si on a enseigné l'évangile de la grâce en Jésus-Christ, c'est-à-dire ce rachat-là, le prix qu'il a payé, si on a compris le prix que Dieu a payé en Jésus-Christ pour nous racheter, on doit comprendre que notre vie est totalement dépendante de Dieu. Donc Dieu est maître et souverain dans notre vie. Pas quoi que ce soit à faire pour lui plier la main, à nous donner quoi que ce soit. Écoutez très bien mes frères, écoutez très bien mes soeurs dans le monde entier. Vous n'avez absolument rien. Nous n'avons absolument rien à faire pour pousser. À moins que vous voulez prendre des voies détournées. Et donc, prenez les voies détournées. Prenez aussi le serpent qui prend les voies détournées. Voilà pourquoi le serpent ne roule pas droit. On ne peut pas aller tout droit comme ça. Le serpent prend la voie à gauche, à droite, et c'est comme ça que les gens tout, c'est font pour s'enrichir. Si vous voulez utiliser les forteresses des Satan pour pouvoir vous enrichir, allez-y. Mais nous voulons dire aux gens que Jésus ne nous a pas amenés à la croix, ressuscité avec nous, assis à la droite du Seigneur, afin que nous cherchions les choses d'en bas. Non. Il nous a amenés à chercher les choses d'en haut, à désirer les choses spirituelles. Les choses spirituelles. Alléluia. Donc, suivons nos frères, continuons aussi. Verset 27, souvenez-vous, j'ai dit, le texte que nous allons prendre, c'est Luc au chapitre 12, à partir du verset 13, j'ai commencé à dire jusqu'au verset 34. Donc nous sommes maintenant au verset 27. La Bible déclare, considérez comment croient les lits. Ils ne travaillent ni n'est-il. Cependant, je vous dis que Salomon même, nous dit voilà, vous voyez, tout à l'heure, on va passer sur le Salomon, on va le voir encore. Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi? Et vous, ne cherchez pas, écoutez très bien, et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets, c'est ce que le Seigneur Dieu de gloire dit, ne soyez pas inquiets, bien-aimés, ne soyez pas inquiets, car souvenez-vous dans le livre de Jean au chapitre 14, verset 1, il a dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Donc, croyez que Dieu est avec vous, ce n'est pas croyant. Jésus a dit dans Matthieu 28, verset 20, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus n'a pas dit, je suis avec vous dans les bons moments, jamais. Il a dit, je suis avec vous. Donc vous devez croire que le Seigneur est avec vous. Souvenez-vous des Corneilles. Il priait chaque jour jusqu'à ce que la vision lui soit accordée, qu'il voit un ange là-bas qui vient répondre à la prière. Peut-être pour vous décourager alors que c'est le moment de la chose et vous détourner. Donc bien aimé, vous tout ce que vous voulez vous lâcher dans le monde entier parce qu'on vous rend frustré avec cette doctrine-là, cet évangile de prospérité. Vous pensez peut-être que c'est parce que vous vivez dans le péché que vous n'avez pas été exaucé à une prière de prospérité. Dieu n'a pas demandé qu'on prie. Souvenez-vous de ce qu'il a dit, c'est qu'il ne veut pas qu'on prie par rapport aux choses de la terre. Regardez bien verset 29. Et vous ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez. Et ne soyez pas inquiets, car toutes ces choses, écoutez très bien, toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. C'est terrible. Donc, vous voyez très bien que si quelqu'un commence à passer le temps dans la prière, en disant que Seigneur, j'arrache la voiture par la foi, j'arrache ma maison par la foi, j'arrache la confession du mouvement de la foi, cette doctrine de Word of Faith, ce n'est pas scripturaire. Ça ne vient pas de la Bible. Nulle part ici, on n'a pas dit qu'on confesse le chose pour le posséder, jamais. Le principe de confesser, de prophétiser, ce n'est pas de cette façon-là. C'est un peu comme la doctrine de la couverture spirituelle, où on dit que quelqu'un doit avoir une couverture spirituelle sur lui. Donc, frère Georges, nous allons déposséder toute cette doctrine, la parole de foi, parce que c'est lié à ici, la couverture spirituelle et tout cela. Pour le moment, Dieu nous dit que car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Il dit, votre Père, écoutez très bien, frère, voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure là que si nous avons confiance à notre Père, nous devons savoir que nous devons une relation avec lui. Alors, Dieu sait exactement ce qui est meilleur pour nous. Nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, nous ne savons pas ce qui est bien pour nous. Mais notre Père, c'est notre Père glorieux, le Père céleste, le Dieu de gloire, c'est de quoi nous avons besoin. À quoi nous avons besoin. Maintenant, voici ce que la Bible nous dit, frères et sœurs. Normalement, en lisant ce passage de Luc seulement, le principe que notre Seigneur Jésus-Christ a instauré ici, et dans tout ce passage, ça devrait être clair. Mais on va aller au fil à mesure, vous allez lire dans vos propres livres, dans votre propre Bible, voir des passages qu'on passe là-dessus, on ne voit pas. Maintenant, regardons bien verset 31, il dit, cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, il n'y a jamais eu de moment où Dieu dit la concentration, concentrez-vous sur la richesse. Parce que souvenez-vous ce que je vous ai dit. Il dit quelqu'un peut être riche à la main, et beaucoup de riches seront là-bas. selon que la parole du Seigneur Jésus, il dit qu'il sera, difficile à un riche d'entrer dans le royaume. Il sera difficile à un riche. Voilà pourquoi on vient annoncer l'évangile comme ça. Les gens croient peut-être que c'est parce qu'on vit dans la pauvreté. Non. Nous voulons prendre la position. Nous allons prendre. Nous devons, ou bien nous devions prendre la position que Jésus nous a accordée. Nous ne faisons pas une usurpation. Non. Nous ne rabaissons pas parce que quelqu'un fait un gamin écouter comme ça. Il croit qu'on a dit de rabaisser notre position en Christ. Non. Notre position en Christ est indépendante de notre bien matériel. Écoutez très bien. Notre position en Christ. Dieu nous a sauvés au travers de Christ, pas avec le bien matériel. La Bible déclare que notre foi, il a dit, notre foi est plus précieuse que l'or périssable. Ce n'est même pas par de l'argent que nous avons été rachetés, mais par le sang précieux. Écoutez très bien. C'est ce qu'en anglais, on dit c'est priceless. Donc ça n'a pas de prix. Nous n'avons rien à donner à Dieu. Nous n'avons rien à prêter de Dieu. Alléluia. Dieu a tout chez lui pour nous donner, pour nous bénir. Mais ce que le Seigneur Dieu de gloire veut, c'est que nous ne se concentre pas sur la richesse, mais qu'on se concentre sur sa personne. Voilà pourquoi il dit, au lieu de chercher la bénédiction, cherchez celui qui accorde les bénédictions. Et il va donner les bénédictions selon son plan, selon le plan de Dieu. Il dit, ce sont les païens du monde qui les cherchent. Ne cherchez pas cela. Il dit, frères et sœurs, le Seigneur Jésus donne ici, ne cherchez pas cela. Verset 32, il dit, verset 32, regardez bien. Il dit, verset 32, d'abord, cherchez plutôt le royaume de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ne craignez point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Ah, maintenant, voici le verset 33, donc les gens n'aiment pas. Absolument. Voici le verset 33. Écoutez bien. Vendez ce que vous possédez. Jet privé. Grand bâtiment. Dernier cri de voiture. Infinity. Humeur. Pasteur humeur. Regardez bien. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point. Verset 34 enfin, car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Donc c'est clair. Donc si tu as quatre jets privés, tu vas avoir les bénédictions. En fait, frères et sœurs, je crois que beaucoup de personnes sont entrées totalement dans cette doctrine-là que c'est difficile de les ramener. Mais je parle aux brebis du Seigneur qui se trouvent partout. Souvenez-vous, la mission que Dieu m'a accordée, c'est de venir parler par rapport à ce que la doctrine soit restaurée et que les gens sortent de ces choses, de ces systèmes de choses. C'est la mission qu'il m'a donnée, de restaurer sa doctrine, de prêcher sa parole, d'être la prêcher, afin que les gens puissent en sortir. Donc, frères et sœurs dans le monde entier, voilà donc la base que le Seigneur a dit. Jésus nous a enseigné que il ne faut pas se concentrer sur la richesse terrestre. On ne doit pas prier pour les athées. Il a dit clairement ici. Il dit, et vous, verset 29, et vous ne cherchez pas ce que vous mangerez. Ne vous concentrez pas parce que la richesse sur la terre, c'est pour s'accaparer et pas avoir l'orgueil de la vie, des vaines gloires, des vaines qui, pour qu'on sache qu'on est des grosses personnalités. On a des grosses maisons, on a des grosses voitures pour qu'on puisse voir le paraître, l'orgueil de la vie. Or, Dieu veut que nous fions l'homme de ces choses. Il dit, car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses seront données par-dessus tout. Jusqu'au niveau où toutes les choses nous seront données par-dessus tout, ça dépend de la souveraineté encore de Dieu. Souvenez-vous de cela. Donc, après avoir prié, après avoir jeûné, après avoir vécu dans la sanctification, il reste encore de la souveraineté de Dieu de répondre et d'exaucer aux prières matérielles. Donc, tout dépend absolument de lui. On ne doit absolument pas forcer sa main pour faire quoi que ce soit. Donc, frères et sœurs, regardons très bien, lisons notre passage encore. Donc, voilà la base de ce que Jésus-Christ nous a en train de nous enseigner. On va voir tout au long de l'Écriture, on va voir que c'est cet enseignement qui va être développé. Et lui et ses apôtres, et Dieu lui-même dans l'Ancien Testament, a enseigné ainsi. Allons un peu dans l'Ancien Testament, allons dans le livre des Proverbes. Proverbes, bien-aimés, frères et sœurs dans le monde entier, que le Seigneur vous comble, vous bénisse. Proverbes chapitre, on va lire beaucoup d'écritures vraiment aujourd'hui. Parce que cette doctrine est en train de ruiner. Beaucoup de personnes ont semé de l'argent. J'ai rencontré une femme qui l'a déjà débrouillée pour aller en France, dit qu'elle va inscrire des enfants dans des universités étrangères et elle a allé beaucoup de l'argent. Et déjà qu'elle ne lui a pas donné en tant que femme d'enseignante, elle était leader et pasteur d'une assemblée. Elle a dépouiller des gens comme ça, et voilà les gens, les brebis du Seigneur qui ont été frustrés. Combien de personnes, et vous, tous qui m'écoutez dans le monde entier, vous savez très bien comment vous avez semé, on va matraquer le cerveau, vous avez semé de la bonne, de la mauvaise façon. Souvenez-vous bien, il y a un principe véritablement de semence. Si vous ne semez pas sur la bonne terre, vous n'aurez pas des moissons telles que Dieu l'a donné. Souvenez-vous de cela. Vous prenez votre semence ou bien votre grain de maïs, vous semez sur le ciment, ça ne produira pas. Dieu a prédestiné la terre à recevoir cette semence-ci parce que Dieu a mis la nature dans la terre. Dieu a mis ses caractéristiques, les ordonnances, les lois dans la terre qui doivent faire germer la semence. Donc, si vous allez acheter le ciment pour se planter là-bas, ça ne gênera absolument pas. Donc, il y a effectivement un principe de semence. Voilà pourquoi des gens s'aiment, ils sont frustrés. Des gens ont été frustrés, des gens ont été frustrés. Donc, je vais parler également aux frères qui sont dans cette doctrine de prospérité, qui prêchent là, et qui prêchent, qui croient peut-être qu'en confessant qu'on est riche, je suis en haut, je ne suis pas en bas, j'irai à la tête, j'irai à la queue, ainsi de suite, ça va faire que la personne va changer. Écoutez très bien. Dieu veut que les gens s'abandonnent totalement à lui afin qu'il soit leur guide. Dans le psaume 32, verset 8, il dit clairement que j'aurai le regard sur toi, je te conduirai, je te montrerai la voie qu'il doit suivre. Ça, c'est la relation entre le berger, le grand berger, le troupeau et la brebis. Et brebis, ça veut dire mouton. Les moutons ne cherchent pas à se valoir. Les moutons ne cherchent pas à se diriger. Nous sommes les brebis du Seigneur. Il est notre bon berger. Il doit nous conduire dans des vrais pâturages. Ce n'est pas croyable qu'on puisse parler de doctrine de prospérité. Je suis riche, je suis en haut, je suis le riche, et ainsi de suite. Et lorsqu'il faut se guider, on dit l'Éternel est mon berger, généralement, c'est derrière. Il est ton berger parce qu'il te conduit dans les verts pâturages. C'est lui, l'Éternel, qui te conduit dans les verts pâturages. Dans ce psaume 23, l'Éternel est mon berger. Écoutez encore, je ne manquerai de rien, tout simplement parce qu'il est mon berger. Comme il est le bon berger et qu'il connaît les lieux de verts pâturages, des excellents pâturages, lui, il nous conduit dans ces lieux de pâturage. Voilà pourquoi il est notre berger. Alléluia. Quel grand Dieu nous avons à servir. Donc, Proverbe, frères et sœurs, Proverbe chapitre 23 d'abord. On va lire un peu dans le livre de Proverbe chapitre 23, le verset, Proverbe chapitre 23, j'y suis, les versets 4 et 5. Disons ce que ça dit là. Écoutez bien. Écoutez mes frères, écoutez mes soeurs. Écoutez bien aimé. Si vous sortir des solutions aujourd'hui, par la grâce de Dieu, s'il y a un verset que vous pouvez retenir, bien aimé prédicateur, apôtre de la prospérité. Vous avez des chaises privées, des vestes, il n'y a pas de problème. Je n'ai rien contre vous, mais il faut qu'on enseigne les brebis du Seigneur de la bonne façon. Proverbe chapitre 23, disons les versets 4 et 5. Écoutez très bien. Regardez, Proverbe, je sais que dans le monde entier, vous avez un proverbe après les psaumes. Proverbe chapitre 23, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Versets 4 à 5. Rabbi lui déclare, ne te tourmente pas pour t'enrichir. Ne te tourmente pas pour t'enrichir. C'est tourmenter, c'est donner cette force-là, c'est faire des efforts, fournir des efforts, c'est battre pour être riche, pour être à un standard de vie. Il dit, ne te tourmente pas pour t'enrichir. Mais écoutez bien, n'applique pas ton intelligence. Bien, mais où est-ce qu'on peut aller prendre des versets pour converser, sinon tordre les sens de l'écriture? Comment quelqu'un peut lier la doctrine à la possibilité avec les versets? Il dit, ne te tourmente pas pour t'enrichir. Des gens passent à prier, de la pauvreté, à briser les liens ancestraux qui bloquent la richesse, à confesser, à appeler par la foi l'argent, à appeler par la foi la maison, à appeler par la foi le travail. Non, non, bien-aimé, non, ne faisons pas de ces choses. La Bible déclare ici, il dit, ne te tourmente pas pour t'enrichir, ni applique pas ton intelligence. Donc ne mets pas ta pensée là-dessus sur la richesse. Dieu nous dit ici qu'on ne met pas notre intelligence sur la richesse, qu'on ne se focalise pas sur la richesse. Écoutez, verset 5. Il dit, veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Donc Dieu nous montre encore que les richesses de la terre vont disparaître, et c'est même évident. Il dit, veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse, écoutez bien, la richesse se fait des ailes. Parce qu'en un point comme ça, en un jour comme ça, directement, c'est terminé. Directement, c'est terminé. Regardez, veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse, frères et sœurs, car la richesse a des ailes. Et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. Alléluia. Donc la Bible dit, ne t'inquiète pas pour t'enrichir, ne te demande pas pour t'enrichir, ni applique pas ton intelligence. Et la Bible dit, veux-tu donc aller vers ce qui va disparaître? Donc, bien aimé, la parole de Dieu est déjà claire. On ne doit pas se tourmenter pour être riche. On ne doit pas faire quoi que ce soit pour s'enrichir. Alléluia. Donc, alors, avançons toujours, c'est tout ce que nous sommes dans l'Ancien Testament. Disons, je veux seulement vous donner les versets. Bien aimé, prenez les versets. Prenez les versets. Je prie particulièrement aux pasteurs. Je prie particulièrement aux pasteurs qui prêchent cette doctrine de prospérité de reprendre et reconsidérer tous les versets-ci. Lorsqu'il va aller dans la nouvelle alliance tout à l'heure, on va voir exactement ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous. Jésus ne nous a pas délivré pour nous donner l'or, pour nous donner l'argent, parce que très souvent, on cite. En tordant le sens de l'écriture, on cite Agé chapitre 2 que l'or et l'argent appartient à l'Éternel. Effectivement, ce n'est pas seulement l'or et l'argent qui appartient à l'Éternel. La Bible déclare dans le 24, à l'Éternel, la terre et tout ce qu'elle en fait. Pourquoi ne prenez-vous pas la terre? Pourquoi ne posez-vous pas le sol? Pourquoi ne prenez-vous pas le sable, la mer? Voilà la mer méditerranéenne. Il y a des pétroles en Égypte. Pourquoi ne prenez-vous pas? Dans la version anglaise, il dit gold and silver. Gold and silver, c'est-à-dire que les minéraux, le sous-sol appartient à Dieu. Pourquoi n'allez-vous pas prendre les puits de pétrole au Qatar, partout là-bas en Afghanistan, où il y a le puits de pétrole en Iran, ainsi de suite? Et les Américains sont en train de les païens exploitent tout cela. Donc, ne tordez pas les écritures. Quand vous voyez la personne, par exemple, dit que l'or et l'argent, vous dites que l'argent appartient à Dieu. Et vous pensez que l'argent, c'est des biens. Ce sont les minéraux. Et ce n'est pas seulement ça. Prenez le verset agencé ensemble, on dit l'or et l'argent appartient à l'éternel. Par la suite, si on entre encore dans notre verset, on dit à l'éternel, la terre et tout ce qu'elle renferme. Bien aimé, ne faites pas. Vous dites à l'éternel, la terre et tout ce qu'elle renferme. Prenez toute la terre donc. Or, ce n'est pas pour cette espérance de la terre que Dieu nous a appelés. Il nous a appelés pour l'espérance céleste. Amen. Donc, regardons bien, prenons encore notre écriture et l'écriture ecclésiaste. Donc, vous avez été dans les dénominations, vous avez enseigné que c'est une malédiction. Je vais vous montrer clairement maintenant. Je vais vous montrer maintenant que toute personne qui dit que c'est une malédiction, que quelqu'un soit dans la pauvreté, est directement sous la malédiction parce qu'elle n'est pas devant l'éternel. Je vais vous montrer dans l'écriture. Souvenez-vous, c'est mon rôle en tant que enseignant de la parole. Donc, Ecclésiaste, chapitre 5. Ecclésiaste, avancez seulement après Proverbe parce qu'on y est. Et pour Ecclésiaste chapitre 5, lisons les versets 9 à 13. Ecclésiaste chapitre 5, les versets 9 à 13. Écoutez bien, mes frères. Écoutez, Ecclésiaste, le livre d'Ecclésiaste. Souvenez-vous maintenant pour la petite histoire. La personne qui écrit Ecclésiaste, c'est la personne de Salomon. On dit, dans le prédicateur, il vous dit, Salomon était riche et riche. On va voir le cas de Salomon tout à l'heure. Regardons très bien, parce que Salomon qui écrit Ecclésiaste. Et regardons bien comment quelqu'un qui est riche, c'est quand même curieux. Oh Seigneur, veuille nous pardonner. Je ne comprends pas dans quelle génération nous sommes, tu m'as envoyé. Oh Seigneur, pardonne, oh Dieu, à toute personne qui, oh Dieu, Mammon. Seigneur, tu as dit dans ta parole, dans Matthieu chapitre 6, verset 24, qu'on ne peut pas servir Mammon et toi. Oh Dieu, je prie, oh Dieu, que tu délivres quelqu'un ce soir. Je prie, Père, que tu délivres quelqu'un qui comprend que le filet de Mammon est terrible. Que c'est le sentier de la cupidité, c'est un sentier qui ne te glorifie pas. Je prie, Père, que tu parles au cœur de quelqu'un. Je prie, Père de gloire, qu'il comprenne que tu nous as envoyés pour parler afin qu'il puisse sortir des fidèles. Je prie, Père, que tu touches le cœur de quelqu'un alors que nous prêchons cette chose. Je prie, Saint-Esprit, que tu parles au cœur de quelqu'un. Je prie, Père, particulièrement pour les hommes qui étaient là dirigeant les gens dans cette trou de maman. Oh Dieu de gloire, qu'on ne te contente pas sur ces choses. Je prie, Père, que tu parles à leur cœur. Je prie, Père de gloire, que tu te donnes le confort, que tu dispenses tes richesses, ton abondance, et selon ta miséricorde et ton dessein. Je prie, Père, que tu parles à quelqu'un ce soir. Oh Seigneur, merci. Frère, je vais te dire quelque chose encore. C'est la personne qui est riche. C'est la personne de Salomon qui écrit ce message-ci. Dans ce livre d'Ecclésiaste, pour vous qui n'avez pas encore lu Ecclésiaste, l'idée que Ecclésiaste, comprenez exactement comment ils sont de tous les domaines de la vie pour voir s'il y a de la jouissance propre sur cette terre. Et il y a une seule conclusion qui va leur dire, il va dire toute vanité. Regardons verset 9, chapitre 5, les versets 9 à 13, disons ensemble. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Donc, même si tu as des milliards, ça ne te rassasiera pas. Voilà pourquoi les gens continuent dans la mafia depuis sur les Italiens et ainsi de suite. Ils sont dans la mafia. Continuent toujours à. Les gens vont dire peut-être, mais il a déjà 800 milliards dans son compte. Pourquoi continues-tu? Parce que c'est une soif. La même soif, quand tu as le vide, la cupidité en toi, tu ne peux jamais être satisfait. De la même façon, quand tu as besoin du Seigneur Jésus, quand il y a un trou du Seigneur Jésus dans ton âme, tant que ce n'est pas comblé, tu vas aller des pasteurs, des prophètes en prophètes, des divins en ainsi. Tant que Jésus n'est pas entré dans ce cœur, tu ne peux pas être satisfait. Donc, voilà pourquoi il a comparé Mammon et à la Mammon, Dieu, le service de Dieu et le service de Mammon. Parce que lorsque la cupidité t'attrape, si tu ne signes pas la grâce de Dieu, c'est pour toujours. De la même façon, quand tu sais Dieu avec différence, quand tu sais Dieu avec différence, avec dévouement, avec de tout ton cœur, ce n'est pas possible que le monde puisse te rattraper, ce n'est pas possible. Donc, ce soir, faites votre choix. Ou bien vous servez Mammon, ou bien c'est Jésus que vous servez. Si vous servez Jésus-Christ, il a la porte étroite. La porte. Les gens ont peur de prêcher la doctrine de Jésus-Christ selon la vérité, sachant que s'ils prêchent ainsi, beaucoup de gens vont fuir leur assemblée. Dieu ne nous a pas appelé à prêcher au grand homme, ou bien à rassembler au grand homme. Non, ce n'est pas pour ça qu'il nous a appelés. Il nous a appelés de prêcher l'évangile qui donne la vie, afin que les gens aient la vie de Christ en eux. Souvenez-vous, il a dit ici dans ce livre, chapitre 10, que nous avons lu, il dit la vie d'un homme ne dépend pas du nombre de ses biens, juste dans l'abondance. Donc, Proverbe chapitre 5, le verset 9 à 10 dit, à 13 dit, celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Et celui qui aime les richesses n'en profite pas. C'est encore là une vanité. Prenez un exemple. Les pasteurs, si c'est entier, le frère Jésus a montré des pasteurs qui avaient 4 jets privés, 5 jets privés, d'autres qui ont des immeubles partout dans le monde entier. Quand il va mourir, c'est même pas grâce qu'on l'enterre avec sa veste. Il dit encore, c'est même pas grâce qu'on prend la veste et qu'il les met plus pour l'enterrer. Si on le jette dans les 2 mètres sur terre, nu, il n'aura pas le pouvoir pour réclamer. Parce que la Bible déclare que tel nu, nous sommes venus, nous rentrons dans le Saint-Esprit, et nous ne sommes pas venus avec quoi que ce soit, et nous ne pouvons pas rentrer avec quoi que ce soit. Donc, frère, faites attention. Nous sommes sortis du Saint-Maternel nu, bras ballants, nous sommes venus avec n'importe quoi. Nous devons trouver quelque chose sur la terre. Nous ne comprenons pas le pourquoi nous sommes là. Nous ne cherchons pas à comprendre le pourquoi Dieu nous fait posséder certaines choses. Nous allons rentrer sans cela. Mais pour nous, c'est que ça peut nous conduire dans la mauvaise voie. Donc, ne permettez pas à maman d'entrer dans votre cœur et de vous prendre. Bien-aimé, tous ceux qui enseignent la doctrine de la prospérité ont le démon de cupidité. Je répète encore, tous ceux, sans exception, qui soient bons, qui prêchent après cela la sanctification, qui prêchent après cela la repentance, la conversion à Jésus-Christ et vivre la vie pieuse, s'ils prêchent la doctrine de la prospérité, il est le maman là attrapé, la cupidité sur son cœur. Verset 10. Quand le Dieu abonde, écoutez bien aimé, écoutez les exhortations du Saint-Esprit dans la bouche du prophète Salomon. Quand le Dieu abonde, ceux qui le mangent abondent. Et quel avantage en revient-il à son possesseur, sinon qu'il le voit de ses yeux? Verset 11. Le sommeil du travailleur est doux, qu'il ait peu ou beaucoup à manger. Mais le rassasiement du riche ne le laisse pas dormir. Plus tu es riche, plus tu as les insomnies. Absolument. Les riches qui m'écoutent maintenant peuvent avoir le témoignage. Verset 12. Il est un mal grave que j'ai vu sous le soleil. Écoutez bien. Il est un mal grave que j'ai vu sous le soleil. Des richesses conservées pour son malheur par celui qui les possède. C'est terrible. Le Saint-Esprit dit que c'est un mal grave. Les richesses conservées pour son malheur par celui qui possède. Si tu le Saint-Esprit en lui dit que si tu conserves les richesses, c'est pour ton malheur. Si tu as des comptes en banque, des comptes fournis, c'est pour ton malheur. On va rentrer dans le livre des proverbes tout à l'heure. Il dit, si tu conserves des richesses pour ton malheur, c'est pour ton malheur. C'est un mal grave devant le Seigneur de conserver. Comment un être humain sur la terre peut avoir, en fait, chez le monde, on peut comprendre que c'est comme ça. Comment quelqu'un qui se nomme frère, quelqu'un qui se nomme soeur peut avoir 5 maisons, 10 maisons, 400 champs pour lui-même, des terrains, des villas, ainsi de suite, 4 jets privés, 5 jets privés, 4, 5 voitures pour lui-même. Mais c'est terrible. Il dit, il est un mal grave que j'ai vu sous le soleil, des richesses conservées pour son malheur par celui qui les possède. Si vous lisez la phrase, vous dites, des richesses conservées par celui qui les possède pour son malheur. Pour son malheur. Donc, bien aimé, la Bible déclare que si tu as des richesses que tu as conservées, c'est pour ton malheur que tu le fais. Ne pense pas qu'en gardant 400 000 euros dans ton compte, ça te permet que si demain il y a le crise économique, tu n'auras pas de problème. L'Amérique a beaucoup de problèmes, pourtant elle est considérée comme le pays de liberté où les gens peuvent aller pour avoir la liberté et le travail. C'est le pays le plus endetté du monde. Donc pourtant ils ont beaucoup de richesses. Donc faites vraiment attention dans le monde entier, mes frères et sœurs, ce n'est pas la richesse qui te connecte à Dieu. Ce n'est pas à cause de la richesse, parce que beaucoup de personnes, j'ai vu beaucoup de personnes qui se découragent parce qu'ils ont prié, Dieu n'a pas exaucé. Ils ont dit que si Dieu ne m'exauce pas, maintenant je rentre dans le monde. Si tu rentres dans le monde, ça fait quoi à Dieu? Si tu pèches, ça enlève Jésus. Si tu pèches, ça enlève le Seigneur Jésus-Christ. Jamais. La Bible déclare à l'un des proverbes que si tu pèches, ça va nuire à toi et à ton semblable. Ça ne fait absolument rien à Dieu. Et la Bible déclare que dans le psaume 135, verset 5, il dit notre Dieu au ciel, il fait tout ce qui lui plaît. Donc tout ce que l'Éternel le veut dans le ciel, il le fait, il le réalise sur la terre. Et personne ne fait absolument rien. Donc quand quelqu'un vient, parce qu'on a prêché le mauvais évangile aux gens, les gens pensaient que quand on vient à Jésus, puis on va avoir le mariage, on va avoir le passeport, on va avoir le bon voyage, on va se marier avec les blancs. Non. Jésus-Christ ne nous a pas sauvés pour l'espérance de la terre. Lorsqu'il a quitté le monde, dans les gens qui ont dit, il a dit, je vous laisse dans le monde, vous n'êtes pas du monde. Vous aurez des tribulations, écoutez bien, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Donc Jésus a vaincu le monde, il a vaincu pour nous. Nous avons la victoire en Jésus-Christ. Il nous a laissé ici pour un peu de temps, afin que nous tenions pour manifester la victoire de Jésus-Christ dans le monde. Pour témoigner, voilà le lève des témoignages. Le témoignage, c'est qu'il faut qu'on voit Christ en nous. Donc l'Église du Seigneur sur la terre, véritablement, doit perpétuer et continuer et démontrer la victoire de Jésus-Christ sur la terre. Et la victoire de Jésus-Christ sur la terre n'est pas faite en acquérant les biens matériels. Parce que je vais avertir quelqu'un ce soir que si le bien matériel était les caractéristiques des vrais serviteurs de Dieu, Bill Gates était un vrai serviteur de Dieu, plus que les chrétiens. Si les caractéristiques matérielles, c'est ce qui, regardez bien le classement du monde, des mondains qui donnent les 12 personnes les plus riches du monde. Vérifiez les chrétiens là-dedans. Voilà pourquoi vous avez dans les chrétiens commencent à entrer dans le best-seller. Les chrétiens commencent à entrer dans le top alignement des riches des gens les plus monde. Mon frère dans le monde entier, j'aimerais bien qu'on traduise ceci en anglais et je vais parler ceci en anglais pour que si quelqu'un est dans le monde entier qui est en anglais, I want to say it in English. I want to say it in English. If you have a preacher in the world, and they have noted you in the summary of those who are rich in this world, it means that God has rejected you. If you see the time, this newspaper called The Time, put you in the summary and say that you are among the people who are rich and you are a pastor, you must ask yourself the question. If Jesus Christ, if Apostle Peter was on this earth, he wouldn't have been mentioned there. No. If Apostle Peter was on earth here, he wouldn't have been on this way, or mentioned in those newspapers as the one who is really rich. If he was mentioned there, he would have been mentioned as the person who is creating trouble in the world because he's preaching something people don't like. So, my brother and sister throughout the world, I'm talking to pastors in English, in the United States, everywhere in America, Ireland, and everywhere in Europe. You people thinking that because you are rich, you are the great of this world. In fact, if you are the great people of this world, it means that you belong to this world because our Lord Jesus Christ said that we don't belong to this world, we belong to the kingdom of God. And the kingdom of God is manifested on this earth through our spiritual life in Christ. So I want to speak to you today. Maybe you say that you don't understand what I'm saying, what I'm saying in French. I'm saying in English now that you may listen very carefully. If you are a shepherd, if you are a pastor, a prophet, or whatsoever, you are a general overseer, I don't mind what you call or by your name. What I want to tell you is that if you have your foundation, you have noted that special newspaper of the world, people of the world have put you in their newspaper and put you in a stage that you are a very important personality on this earth. You must ask yourself a question. Because in the Bible, the scripture makes us to know that real preacher of the word of God are being persecuted by the world. So if you are being encouraged by the world, it means that you have no problem. Or you are doing the same thing as the world and what the people are doing. So ask yourself a question, my brother and sister. Hallelujah. Donc je tenais ceci à dire, ceci à ceux qui nous écoutent dans le monde entier en anglais, afin qu'ils aient la foi ferme pour revenir à la saine doctrine. Donc frères et sœurs, regardons maintenant verset 12, la Bible déclare, « Il est un mal grave que j'ai vu sous le soleil, des richesses conservées pour son malheur par celui qui les possède. » Des richesses conservées, écoutez bien, des richesses conservées pour son malheur par celui qui les possède. Maintenant verset 13, regardez bien, « Ces richesses se perdent par quelques événements fâcheux. » Tout à l'heure, j'ai parlé de la récession qui a eu lieu. Vous avez vu, en France, pour ceux qui sont en France particulièrement, les gens sont donnés la mort parce que tous les biens matériels qu'ils avaient conservés dans les banques étaient en faillite. Conséquent, ils ont compris qu'ils n'ont plus rien à faire dans ce monde. Pourquoi? Parce que toute l'économie dans le monde est dans l'eau. Pourquoi ils peuvent se donner la mort? Parce qu'ils aiment tellement leur vie qu'ils ne veulent pas vivre dans la misère. Vous voyez? Dans ce livre, chapitre 12, nous avons lu tout à l'heure, verset 34, il a dit car là où il y a votre trésor, là sera votre cœur. Donc leur cœur, au lieu d'être ancré sur Christ, était ancré sur le trésor. Par conséquent, comme le trésor a bougé, directement leur cœur devait bouger. Maintenant, lorsque quelqu'un met son cœur, place par confiance en Jésus-Christ, puisque Jésus est le même Dieu aujourd'hui éternellement, il ne peut pas bouger, il ne peut pas changer, alors, quels que soient les événements extérieurs, la foi, nous tenons ferme. Nous tenons ferme parce que Jésus-Christ nous a sauvés. Maintenant, verset 13, regardons encore une fois le petit bien-aimé. Dans cet Ecclésiaste chapitre 16, verset 13, il dit « Ces richesses se perdent par quelques événements fâcheux. » Vous, tout le monde, vous avez certainement des espérances, des gens qui étaient totalement riches et qui maintenant marchent. Beaucoup de personnes ont peur à venir à Jésus-Christ parce qu'ils savent que s'ils viennent à Jésus-Christ, Jésus-Christ va changer leur façon de vivre, leur façon de se complaire à eux-mêmes et à se complaire à leur richesse. Donc, il dit « Ces richesses se perdent par quelques événements fâcheux. Il a engendré ainsi et il ne reste rien entre ses mains. » Qu'est-ce que Dieu veut nous faire comprendre? Je recommence encore. Je ne suis pas en train de dire que c'est interdit d'être riche. Mais la soif, et comme on a vu dans ces proverbes là-bas, qu'on ne se tourmente pas pour être riche. La soif d'être riche, la soif de devenir riche n'est pas pour nos frères et sœurs. Dieu va dispenser ses grâces et ses bénédictions. Ce n'est pas par notre volonté que la pluie, par exemple, tombe sur la terre. Le côté très bien. Ce n'est pas par notre volonté que le soleil sort pour sécher nos habits et pour arroser notre culture pour le cas de la pluie. Mais c'est Dieu. Dieu connaît que nous avons planté de la semence. Dieu connaît que la semence a besoin d'arrosage par rapport à l'humidité pour le faire. La nuit, il donne l'arroser, dans le jour, il vient de sa pluie. Donc, il a ordonné ainsi, et c'est pour ça que dans le livre de Job, il a dit clairement qu'il a ordonné au ciel les lois des ciels qu'il a fixées, qui doivent être obéies sur la terre. De la même façon, Quand Dieu a ordonné la nature, il nous a mis sur cette terre, il y a quelque chose d'ordonné sur chacun de nous. Écoutez très bien. Dans le psaume 139, le verset 14, le prophète David dit clairement que tous les jours de sa vie étaient écrits afin que, avant qu'aucun de n'existât. Donc Dieu a décidé toutes choses et que toutes choses arrivent en saison. Amen. Donc continuons bien. Donc nous avons ici qu'il est un mal grave que j'ai vu sur le soleil, des richesses conservées. Des richesses conservées pour son malheur par celui qui les possède. Amen. Et si vous lisez encore, prenez aussi Proverbe chapitre 11, le verset 23 jusqu'au verset 28, vous allez voir. Il dit quel qui donne libéralement des biens plus riches, quel qui conserve des biens plus pauvres. Il dit c'est une malédiction pour celui qui garde la semence. Et c'est une bénédiction pour celui qui la vend. Donc, allons-y dans le livre de 1 Timothée, prenons à partir de verset 3. Voici donc le sermon même de cette histoire de prospérité. Alléluia. Et on va voir les quatre types de différentes vérités résumées dans la Bible, et depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau. Alléluia. Donc, dans le monde ancien, donc, on dit aux gens que si le chrétien est riche, c'est que c'est la malédiction. Que si il est pauvre, c'est la malédiction. Or, dans tout le temps, dans tout depuis l'Ancien Testament, on voit qu'il y a eu des pauvres. Et Dieu, en comptant Israël, a dit qu'il, dans le livre des Deutéronome, avait dit qu'il devait avoir les pauvres au milieu des orphelins et des étrangers, et qu'il laisse prendre des pays fermes pour les venir en aide, afin que Dieu les bénisse davantage. Israël a toujours eu à faire ça. Voilà pourquoi il y avait un style de dîme là, qui était voué uniquement pour les orphelins et pour les veuves. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas quoi que ce soit. Amen. Prenons 1 Timothée au chapitre 6, bien aimé dans le monde entier, vous connaissez tous ces versets. Amen. Dans l'évangile de prospérité, est basé sur le bien-être de l'homme dans son vécu quotidien. C'est l'évangile qui veut que les gens vivent bien sur la terre. On profite de la vie. On dit que Jésus nous a sauvés pour la grandeur. On ne doit pas être petit. On doit être grand. Et on cite à tort et à travers les écritures. S'il y a une écriture que j'ai vue, l'une des écritures que j'ai vues vraiment tordues dans les écritures, c'est ce livre de Deutéronome chapitre 20, où il est décrit « Je ferai de toi la tête et non la queue ». Les gens passent le temps à lire « Je ferai la tête et non la queue ». La Bible n'a pas dit « Je ferai la tête et non la queue ». L'Éternel des armées a dit là-bas, il a dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, suis-moi dans sa parole, il a donné des successions d'obéissance là-bas, il dit, c'est l'Éternel qui parle, je ferai de toi la tête et non la queue. Donc les gens passent le temps à réciter, je suis la tête et non la queue, je suis la tête et non la queue, je ne serai jamais en bas. Dieu n'a pas dit, en fait, la preuve en est que rester comme ça, vous serez toujours à la queue. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la, comment je vais dire cela, ce n'est pas une récitation, ce n'est pas des formules chimiques, ce n'est pas des formules magiques pour avoir de la richesse. Non, la Bible de Dieu est sainte. Vous ne pouvez pas tordre le Dieu, vous ne pouvez pas tordre l'Esprit de Dieu pour faire n'importe quoi. Alors vous allez seulement extorquer les gens pour avoir de la richesse. Dieu a dit clairement là-bas dans ses Proverbes chapitre 23, le verset 4 à 5 qu'on a lu. Souvenez-vous, j'ai dit que si on sortit du tout, vous pouvez retenir une seule chose, retenir ses versets. Il a dit, ne te tourmente pas pour t'enrichir. Amen. N'imite pas ton intelligence. Donc, les gens pensent que dans notre vécu quotidien, on doit avoir de la richesse. On doit vivre bien selon cette terre-ci. En fait, on dit que si tu es pauvre, alors tu es malédiction. Comme j'ai dit tout à l'heure, on va revenir sur ce cas-là. Donc, voilà pourquoi donc, beaucoup cette défaillance-là, cette vague de faux doctrines sont entrées dans l'église pour détruire les gens. Maintenant, chrétiens, vous qui m'écoutez maintenant sur YouTube, partout dans un peu qu'un média maintenant, écoutez très bien. Supposons que vous soyez 4000 dans votre dénomination, dans cette brigade qu'on vous a enfermé là, et que chacun donne 5 euros, 5, ou bien prenons 10 euros. Imaginez 4000 fois 10 euros, où est-ce qu'on a fait? Ça fait 40 000 euros. Comment donc ces pasteurs ne vont pas venir se vanter que Dieu l'a enrichi? En fait, ce n'est pas Dieu qui l'a enrichi, il s'est fait de la richesse derrière votre dos. Arrêtez de lui donner et voyez comment il va vous faire si Dieu va encore lui donner de l'argent. Donc, vous ne devez pas être ignorant au point de mal s'aimer. Ce soir, si au sortir de cette émission, ce soir, par la grâce du Seigneur, il faut vous voir comment on va s'aimer. Ce n'est pas de cette façon-là, vous êtes pauvre devant le Seigneur, parce que le Seigneur nous attend là-dedans. Le Seigneur nous attend tous là-dedans, que nous s'aimions selon sa volonté. Nous devons s'aimer comme Dieu veut bien aimer dans le monde entier. Donc, beaucoup de ces docteurs sont rendus dans le monde. 1 Timothée chapitre 3, 1 Timothée chapitre 4, 2 Timothée chapitre 4, reprend clairement que dans les derniers jours, il y aura des faux docteurs qui vont enseigner des doctrines pernicieuses, ainsi de suite. Au chapitre 6 de 1 Timothée, regardons, à partir du verset 3, et on va voir jusqu'au verset 12. Verset 12. Frères et sœurs, je ne peux pas savoir, il n'y a pas un seul verset dans les Écritures en faveur de la doctrine de prospérité. Si quelqu'un veut faire dire la Bible, ce que la Bible ne dit pas, il le dit pour sa propre ruine. La Bible nous dit ici à partir du verset 3. Si quelqu'un enseigne des fausses doctrines et ne s'attachent pas aux saintes paroles de notre Seigneur, nous voilà. Et ne s'attachent pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, la crainte de Dieu. Écoutez bien. Il est enflé d'orgueil, un. Il ne sait rien, deux. Il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots. D'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement. Écoutez très bien. Tout à l'heure, je vous ai dit que si quelqu'un enseigne la doctrine de prospérité, alors directement, il a le démon, il ne faut pas avoir peur de le dire, le démon de la stupidité l'a attrapé. Donc, c'est maman qui l'a attrapé. Il dit que la Bible déclare que ces hommes sont corrompus d'entendement. Dans leur entendement, quand on parle de quelque chose est corrompu, la chose que c'est pourri, c'est métamorphosé. Vous voyez cela? La corruption a pris, c'est la pourriture entière. Donc, c'était déphasé par rapport à la vérité. Il est corrompu, donc corrompu d'entendement. C'est un entendement qui est corrompu. Privé de la vérité. Écoutez bien, ces hommes sont privés de la vérité. Mais ils vont croire prêcher la vérité, mais ce qui ne prêchent pas la vérité. Ils sont privés de la vérité et croyant, là, les hommes là-bas, et croyant que la piété, la crainte de Dieu, la vie de Dieu est une source de gain. C'est terrible. Donc, ils croient que la piété, la vie chrétienne, ils croient que servir Dieu, c'est une source de gain. Doctrine de prospérité, où est-il? Doctrine de prospérité, où est-il? Les docteurs de la doctrine de prospérité, où êtes-vous? La Bible déclare ici que vous qui enseignez la doctrine de prospérité, la Bible déclare que vous qui enseignez la doctrine de prospérité, vous êtes corrompus d'entendement 1, vous êtes privés de la vérité 2, que vous croyez que l'enseignement de la parole de Dieu, la vie chrétienne, c'est une source de gain. Maintenant, regardez la façon que Dieu veut qu'on vive. La verset suivant. Il dit, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Bien-aimé, souvenez dans votre Bible. Avec le contentement. Écoutez bien. La piété avec le contentement. La vie de la crainte de Dieu. La vie de la soumission à Dieu. Avec le contentement. Donc on se contente de ce qu'on a. On se contente de ce qu'on a. On remercie le Seigneur. Il rend à Dieu en toutes choses. En toutes choses. Vous voyez cela, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous qui faites toute chose pour toi, vous ne voyez pas qu'il y a le mal là-bas. Dans le livre de Job, il a dit que c'est l'Éternel qui a donné, l'Éternel a béni. Vous voyez cela, l'Éternel a retiré. Alléluia. Donc, c'est une grosse affaire si Dieu donne une réussite. Maintenant, on croit peut-être que si Dieu ne donne pas, c'est parce qu'on a pas prié. C'est pas parce que tu pries que Dieu t'a donné. Mon cher frère, si Dieu t'a accordé des richesses, c'est le soir, ce soir qui même, de cette journée de grâce que Dieu t'a accordé de voir ce message. Demande au Seigneur pourquoi Seigneur, avec qui dois-je partager, comment dois-je être riche pour toi. Souvenez-vous, il dit dans celui qui est lui, il en est ainsi de tout homme qui est riche pour lui-même et non pour Dieu. Donc, Dieu nous dit que nous devons être riches pour lui. La richesse, ce n'est pas pour nous. Prenez l'exemple des dons de guérison. Quand Dieu nous accorde les dons de guérison, ce n'est pas pour nous. Nous ne prions pas nous imposer les mains pour que nous soyons guéris. Quand Dieu donne le don de guérison, c'est pour que nous prions pour quelqu'un, que quelqu'un soit guéri. De la même façon, quand Dieu donne le don, par exemple, des prophéties, nous ne prophétisons pas pour nous-mêmes. Nous prophétisons pour les autres, pour les gens, afin que le corps de Christ soit édifié. Donc, mes frères bien-aimés, si vous êtes riches, c'est pour ça qu'il y a le don de libéralité. On va y revenir dans ce livre de Romains, chapitre 12. Don de libéralité, tu dois le donner aussi. Donc, comme celui qui a le don de guérison, apporte le don, permet que la guérison du Seigneur circule dans le corps, dans l'humanité, afin que le nom de Dieu soit glorifié. De la même façon, si tu es riche pour Dieu, tu dois faire circuler cela. C'est pour ça qu'il a été dit ici que la piété, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Donc, la Bible nous enseigne que la piété avec le contentement, c'est une grande source de gain. Donc, le grand gain pour le chrétien, c'est celui-là qui sait vivre la crainte, la vie spirituelle, la vie de Dieu dans le contentement. Le contentement, ça veut dire que c'est se remettre uniquement sous le bras du Seigneur et attendre de lui tout ce dont nous avons besoin. Espérer en ce Seigneur, espérer. Ce n'est pas en grondant Dieu. Seigneur, si tu me donnes pas, je retourne dans le monde. Seigneur, si tu me donnes pas, c'est la dernière fois que je vais prier. C'est la dernière fois que je dis aujourd'hui. Je dis, je veux mon miracle aujourd'hui. Tu as fait comme ça pour Daniel. Tu as fait comme ça pour Sarah. Sarah, vous savez combien d'années elle a attendu? Sarah a attendu 25 ans. Donc, tu veux ton miracle aujourd'hui? Je veux mon miracle aujourd'hui. Non! Non! Dieu agit comme il veut, quand il veut. Seigneur, tu as fait comme ça pour Bartimée. Bartimée, tu sais combien de temps il a été, il a été aveugle? Regardez cet homme riche là, cet homme dans Jean chapitre 5, là-bas, au de Bethsaida. Là, il déclare que Jésus, sachant qu'il était malade depuis, il était malade depuis plus de 108 ans. Jésus était couché là-bas, Jésus, sachant qu'il était malade depuis, il a parcouru parmi les malades, allé le trouver là-bas. Donc, quel que soit l'endroit où tu es, selon le plan de Dieu, pourquoi Dieu va te trouver. Amen. Donc, fais attention, bien-aimé. Je vais mon miracle aujourd'hui. Aujourd'hui, vous déposez aujourd'hui Dieu le miracle. Et vous chantez chaque jour le miracle ne se produit pas. Vous ne comprenez pas que votre prière est en abomination à l'éternel Dieu des armées. Amen. Donc, on ne force pas la main de Dieu. Souvenez-vous, nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. De la même façon, nous obtenons tout de notre Seigneur Dieu de gloire par grâce. Tout est grâce. Si Dieu t'a béni, frère, si tu constates que tu fais des choses, quand tu travailles, tu es de plus en plus béni, alors comprends exactement que Dieu t'est béni afin que les frères et les sœurs dans le monde entier en profitent. Amen. De la même façon, si tu commences à prier pour les gens sont guéris, tu ne pas le téléphone. Les gens sont guéris, frères et sœurs, souvenez-vous, ça veut dire que le Saint-Esprit de l'Église dit que je t'accorde le don de guérison pour pouvoir prier pour les personnes qui sont guéris. Donc, si quelqu'un retient la richesse pour lui-même, c'est un peu comme quelqu'un qui a le don de guérison, il ne va même pas prier pour les gens pour que les gens puissent guérir. Qu'est-ce qui ne va pas avec nous aujourd'hui? Amen. Donc, il dit ici, verset 6, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car, écoutez bien, car nous n'avons rien à porter dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Elle est juste privée, les dernières coupes des boomers, des Infinity ou quoi que ce soit, des Mercedes, des Lexus, des ML. Quand tu vas mourir, même pas le boulon, même pas le clé, même pas le porte-clé, tu n'iras avec. Il dit, mais c'est pas grâce qu'on t'enterrera avec la veste couleur grise ou bien couleur blanche. C'est pas grâce. C'est pas grâce même qu'on va te mettre les chaussettes aux pieds. Absolument. Donc il dit, car nous n'avons rien à porter dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc, mon cher ami, en méditant sur le fait que tu sois venu dans le monde, dans ce monde, sans rien apporter, et que tu vas rentrer sans rien apporter, la Bible dit, si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Chrétien dans le monde antique, dans le Nouveau Testament, ça se répète la recommandation du Saint-Esprit à l'Église. Et bien, si tu as la nourriture, si tu as le vêtement, ça te va. Alors vis dans le contentement, remercie le Seigneur pour cela, et vis comme ça, glorifie le Seigneur, exalte le nom de Dieu, le Dieu du ciel, et vis comme ça. Il va pouvoir à chaque besoin. Il a dit, j'aurai un regard sur toi. Il avait dit que j'ai encore beaucoup d'autres bébés qui n'est pas de type bergerie. Je sais plus beau, je vais les celles-là, je vais les amener. C'est lui qui les amène. C'est Jésus qui initie l'appel, celui qui appelle, celui qui est devant nous, celui le souverain sacrificateur, celui le bon berger, le grand pasteur des brebis, celui de la porte de notre foi, celui qui doit nous guider. Amen. Il dit, si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Dans ce cas, pourquoi te tourmenter à t'enrichir, mon cher ami? Si tu as la nourriture déjà et le vêtement, pourquoi donc dire il faut que j'aille à la maison? Il n'y a aucune prière comme ça dans la Bible, que nous sommes dans l'Ancien Testament, il n'y en a pas. Que ce soit dans l'Ancien Testament, mais sur l'Ancien Alliance, il n'y a pas. Parce que ce n'est pas grâce que Dieu a accordé les choses, Dieu a accordé les bénédictions. Il a fait sortir Israël sous l'oppression en Égypte. Il a dit clairement que je t'ai fait passer par le désert pour tester ton cœur. Je t'ai fait passer par le dit désert afin que tu apprennes que l'homme ne vivra pas du pain seulement. Donc Dieu le fait passer au travers du désert pour qu'on comprenne que ce n'est pas la nourriture. Il ne veut pas qu'on s'intéresse à la nourriture et au manger quotidien. Mais toute parole qui vient de la bouche de Dieu, c'est par elle qu'on doit vivre. Et la parole de Dieu pour toi, mon cher ami, tous ceux qui étaient sur la doctrine de la prospérité, qui étaient de Dieu. Vous avez semé la confusion dans les enfants de Dieu, dans les filles des enfants de Dieu. Quand aujourd'hui, s'il y a un prédicateur qui n'est pas riche, s'il faut qu'il gagne la Mercedes, on ouvre la porte, le portier comme un président de la République, sur d'autres cieux, les gens roulent, il y a des motards devant qui les font, qui les font dans les escortes, il y a des policiers, des gardes du corps pour les garder. Vous imaginez que Jésus était en sainteté, vous n'êtes pas différent des dénominations appelées catholiques, parce que la papauté, toute la papauté, c'est exactement ce que vous faites. Donc, bien aimés frères et sœurs, nous disons comme ça, afin que si vous avez glissé dans ce domaine-là, que vous rentrez. Jésus m'a envoyé venir parler au monde entier, que sa doctrine a été touchée. Il m'a envoyé venir prêcher afin que la doctrine de Dieu, les doctrines et l'enseignement de la Bible puissent être restaurés dans l'Église. Voilà pourquoi il m'a envoyé. Donc, si tu aimes le Seigneur et tu as glissé un pas, un temps soit peu dans cette doctrine, frère, rentre dans l'Évangile. Rentre dans l'Évangile de Jésus-Christ, dans la sainte parole de notre Seigneur Jésus-Christ. La vie de la piété dans le contentement. Observe la vie claire de Christ. Vous parlez de Christ comme étant l'exemple de tous les chrétiens. Sur le domaine de la richesse, la Bible déclare clairement qu'il s'est rabaissé. Regardez bien comment il comptait sur le Père. Amen. Vous avez vu où Jésus a envoyé Pierre pour aller prêcher pour qu'on puisse payer ces impôts-là. Mon Dieu, quel modèle nous suivons aujourd'hui? Jésus-Christ, viens-nous en aide. Seigneur, viens-nous en aide vraiment en ce temps de la fin. Souvenez-vous de ce que Jésus avait dit dans Luc au chapitre 16. Chapitre 16. Chapitre 16. Il a dit, mais lorsque le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Dans chapitre 18, le verset 8. Il dit, mais lorsque le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il de la foi? Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc Jésus fait prophétiser derrière cette question-là que, avant qu'elle vienne sur la terre, on va enseigner mal la parole de Dieu. Par conséquent, les gens n'ont pas de relations ultimes, les relations intimes avec le Seigneur et Jésus. Donc, frères et sœurs, quittez cette voie-là, retournez à la sainte doctrine et recherchez une connexion claire et directe avec le Seigneur, afin qu'il vous donne de s'aimer selon sa volonté. C'est-à-dire être riche pour Dieu, comme on a vu. Amen. Verset 9. Regardez, je vais vous prendre le verset 8 pour vous voir, mes frères. Mais, verset 8, nous sommes dans 1 Timothée. Si vous venez de nous prendre, nous sommes sur Jésus-Christ Télévision. Vous allez écouter l'enseignement sur l'évangile de la prospérité. L'évangile de la prospérité aux Écritures. Et directement, si vous êtes là maintenant connecté, je vais dire que l'évangile, je vais démontrer que l'évangile de la prospérité n'est qu'à la source de la Bible. La seule façon qu'on prêche cet évangile de la prospérité, de la façon dont on présente, c'est qu'on tord les Écritures. Il faut qu'on tord les Écritures, comme on va prendre l'Écriture, le cas de Jésus qui a dit qu'il était riche, il était fait pour afin qu'on soit enrichi, le cas d'Abraham et ainsi de suite. Et puis on va voir le fait qu'on soit sacrificateur et roi, ce qu'il en est. Ça a poussé que les gens entrent dans la politique aujourd'hui. Beaucoup de personnes peuvent être chefs d'État, d'autres sont des leaders politiques aujourd'hui. Il y a même des partis politiques chrétiens, des terribles choses comme ça. C'est terrible. Vous pensez à sans onction, vous parvenez à arriver là-bas, vous pensez que c'est la faute avec les anciens, l'onction que les frères et sœurs ont des poids de l'église. Si vous avez cette onction pour aller prendre la royauté sur la terre, il devait le faire. Jésus-Christ lui-même était ici sur la terre, s'il voulait être roi n'importe où, il devait le faire. Mais il a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon roi avait été ce monde, j'aurais amené mes serviteurs auront combattu pour moi afin qu'ils ne soient pas livrés à votre main. Écoutez très bien, le royaume de Jésus n'est pas de ce monde. Et quiconque suit le Seigneur Jésus à ce principe connaît que l'évangile là, la Bible est claire, dans 1 Pierre, il dit clairement que, on se dit, soyez saints dans toutes vos conduites, conduisez-vous depuis le temps de votre pèlerinage. Le pèlerinage, c'est quand on va quelque part pour quitter. Il dit le temps de votre pèlerinage. On se conduit, on est des pèlerins sur la terre. On est des pèlerins sur la terre. Amen. Alléluia. Donc verset 8 ici du chapitre 1, Timothée chapitre 6 dit, si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir, je dis voilà, mais ceux qui veulent s'enrichir, vous voyez ça, frères et sœurs, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Et c'est là qui a amené les gens. Il dit, mais ceux qui veulent, souvenez-vous de l'exhortation que le Saint-Esprit a dit dans Matthieu, dans le livre des Proverbes chapitre 23, le verset 4. Il dit, ne te tourmente pas à t'enrichir. Lorsque tu te mets à t'enrichir, directement le démon, mon maman va venir chez toi. Regardez bien. Il dit, mais ceux qui veulent. Donc, la foi déjà pour s'enrichir est un péché. Il dit, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent. Voici la prophétie pour toi. Si tu veux t'enrichir, la Bible déclare qu'il n'y a pas de remède. Tu vas tomber. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Souvenez-vous, dans la Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 1, chapitre 13, qu'aucune tentation ne vous est souvenue qui n'était humaine. Mais avec les tentations, Dieu préparera aussi les chemins afin que vous en sortiez. Il ne permettra qu'on soit tenté au-delà de votre force. Donc, si c'est toi-même qui n'écoutes pas l'exhortation de Dieu, que tu ailles à l'intérêt toi-même, parce que Dieu a mis les gardes pour ne pas te tourmenter, pour s'enrichir. Si c'est toi-même qui te livres à l'intérieur là-bas, directement, la Bible est claire. Il n'y a pas de soutien de Dieu là-bas. Tu vas tomber dans la tentation. Il dit, dans la tentation, dans le piège. Que veut dire piège? Piège, ça veut dire que c'est quelque chose pour captiver. Donc, toute personne qui prêche la doctrine de la richesse unique sur cette terre-ci va tomber et est tombée et est piégée. Voilà pourquoi je dis tout à l'heure que quel que soit le prédicateur, aussi bon, elle l'onction jusqu'à déposer les montagnes. Tant que tu prêches la doctrine de la prospérité, directement, tu as été piégé, tu es tombé dans la tentation, dans le piège. Et dans beaucoup de désirs, vous voyez, désirs insensés et pernicieux. On va utiliser les détournures. Il faut que notre bâtiment, on est calmé. Dieu m'a révélé qu'on est 10 000, il faut qu'on soit 10 000, il faut qu'on tâche encore, on achète encore davantage de terrain. Il faut qu'on achète des bus, il faut qu'on achète des climatiseurs, il faut qu'on achète des nouveaux instruments, des désirs insensés. On n'a pas besoin de cela pour l'évangile. On a besoin de la parole de Dieu, prêcher la parole de Dieu aux gens. Regardez bien, des désirs insensés et pernicieux qui plongent les désirs, qui plongent les hommes dans la rue de la perdition. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, vous êtes entrés dans la doctrine de prospérité. Si le que vous me suivez ce soir, c'est que vous fassiez volte face et que vous retournez vite à la doctrine de Jésus-Christ selon la Bible, pas selon ce que les prédicateurs. Mais c'est quand même curieux. En même temps là-dessus, j'ai rendu compte que c'est uniquement au XXe siècle qu'a commencé la doctrine de la prospérité. Donc, tout au long de l'Église, tout au long de l'histoire de l'Église, on n'a pas vu que Dieu Jésus nous a sauvés. La vie même chrétienne dans le Nouveau Testament nous montre, la vie chrétienne dans le Nouveau Testament nous montre clairement que Dieu ne voulait pas de telles choses. Regardez bien, que Dieu ne voulait pas de telles choses. La vie chrétienne même nous montre que Dieu ne voulait pas de telles choses au milieu chrétien, parce que ça crée le désordre. Amen. Vous voyez, maintenant au 21 siècle, on a dit, maintenant c'est la richesse, la cour aux richesses. Souvenez-vous, une fois que vous êtes il parlait de la doctrine de prospérité, non, de la doctrine de l'âge de l'église, des fêtes, non, l'âge de l'église, de l'Odyssée, au chapitre 3 d'Apocalypse. Dans Apocalypse chapitre 3, le verset 14 à 18, il dit, misérable, pauvre, avec un nid. Mais tu dis, tu es riche. Vous voyez, donc l'esprit de la prospérité est sur l'église de l'Odyssée. On veut toujours se comparer, aller dans la grandeur de la richesse, dit qu'on est riche. Donc, l'onction de la richesse est sur l'église de la Odyssée, sur la prospérité de l'église de la Odyssée. Nous prêchons ici afin que les gens, souvenez-vous, Jésus a dit que l'esprit de l'égarement viendra sur ceux qui n'ont pas eu l'amour de la vérité pour être sauvés. Voilà pourquoi Dieu envoie les messagers pour parler afin que personne ne vienne ne dit pas plus tard qu'il n'a pas compris. Ce qui veut dire encore une fois les plus frères et sœurs dans le monde entier, c'est qu'il y a l'esprit d'égarement dans la soif de la richesse, dans la doctrine de prospérité. Apocalypse chapitre 3, verset 14, dit l'église de la Odyssée, la période de cette église, on va prêcher de la richesse. Je suis riche, je suis assis en règle, je n'ai besoin de rien. Nous sommes le plus riche, nous sommes l'église la plus riche, la plus bien construite. Dieu dit nous sommes aveugles, misérables, pauvres. Vous voyez cela? Comment vous dites que l'église est riche et Dieu en Dieu dit que c'est pauvre? Parce qu'on n'a pas compris le sens de la richesse. Il veut qu'on soit riche et riche spirituellement. Dans Éphésiens chapitre 1, le verset 3, il dit béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis, qui nous a bénis. Amen. Donc si quelqu'un te dit Dieu va te bénir, c'est des histoires. Dieu dit clairement dans son écriture, il dit béni soit Dieu. Regardez, je vais citer comme ça Éphésiens chapitre 1, le verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et il précise en Christ Jésus. Amen. Donc notre bénédiction, c'est la bénédiction spirituelle. Pourquoi la Bible pourra dire que cherchez les dons spirituels, aspirez aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Maintenant, les gens de la prospérité viennent nous tirer toujours vers le bas. Amen. Donc on va voir maintenant ce qui est recommandé au milieu chrétien. Regardons ici. Voilà ce qu'on a dû voir. Verset 18 dit qu'à l'amour de l'argent. L'amour de l'argent est une racine, est la racine de tous les maux. Donc tous les problèmes que l'Église pose aujourd'hui, c'est à cause de cette richesse, à cause de l'argent. Et quelques-uns en étant possédé par quoi? Regardez ce qu'on dit. On n'a pas dit qu'il est possédé par l'argent. Ce n'est pas l'argent qui possède, non. L'argent c'est un matériel. On a pris un bien ou bien une pièce d'argent, on a donné, on a accordé une valeur. Donc c'est même une idole même pour commencer. C'est l'humanité qui a donné s'accorder pour donner de la valeur à ce matériel-là. Si on disait que c'est la terre des briques maintenant qui doit donner de l'argent, ou bien les gouttes d'eau qui donneront de l'argent maintenant, mais qui seront utilisées maintenant comme de l'argent, alors on va transférer là-bas. Vous voyez, frère, c'est nous qui nous sommes englobés et entrés, l'humanité est entrée lui-même dans cette étoile, dans cette filet de maman par lui-même. Parce que c'est nous qui avons créé cet argent, pas Dieu qui a créé nulle part là-bas où Dieu a créé l'argent. Jamais. Il n'y a pas nulle part où Dieu a créé les euros et les dollars et les livres sterling. Jamais, ne sait pas. Dieu n'a pas créé cela. Amen. Maintenant, regardez bien. Il dit, car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns en étant possédés. Je vais montrer encore à quelqu'un ce soir qu'on parle des gens, des prédicateurs, des enseignants, des gens de la Bible. Regardez, c'est pas aux païens qu'on parle. Quelques-uns en étant possédés. Possédés par quoi? L'amour de l'argent. La prédication va tourner autour des biens matériels. Jésus avait dit, allez prêcher la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il est mort à la croix, il est ressuscité afin qu'on soit justifié, qu'on soit réconcilié à Dieu. Et par la suite, on enseigne maintenant les doctrines de Jésus-Christ, les prescriptions de Jésus-Christ afin qu'on vienne même faire un persévérant jusqu'à la fin. Voilà ce qu'on doit faire, voilà ce que l'Église doit faire. Il dit, car quelques-uns en étant possédés, possédés par l'amour de l'argent. Donc, quand l'amour, je vous ai dit tout à l'heure que c'est la cupidité, l'esprit de cupidité est sur eux. Il dit, car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns en étant possédés se sont jetés. Regardez bien. Se sont égarés loin de la foi. Vous avez vu? Égarés loin de la foi, apostasiés. Ils se sont apostasiés, détournés. Vous voyez? Ils se sont égarés loin de la foi. Donc, amis, ce sont des gens qui étaient d'abord dans la foi, qui ont quitté la foi à cause de l'amour de l'argent. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite à examiner vos vies. La façon dont la richesse a de l'emprise sur vous. Quand vous perdez quelque chose de la terre, comment est-ce que votre cœur est? Testez votre cœur. Votre façon, votre test dans le cœur sera mesuré par la capacité à donner des choses chères à un frère. quand vous apportez, vous avez un habit que vous avez acheté peut-être 400 euros. Pouvez-vous prendre cet habit-là, donner à un frère qui est dans, dans le besoin, sans régimer, testez votre cœur ce soir, testez-vous. Est-ce que si le Saint-Esprit te parle maintenant, tu as deux voitures dans ton garage, est-ce que tu peux prendre la clé maintenant, dire, j'ai vu un frère qui marchait et qui souffrait sous le soleil, dans la pluie, il n'avait pas de véhicule, je prends ce véhicule et je prie que le Seigneur parle au cœur de quelqu'un ce soir. Je prends ce véhicule, je donne à tel frère, je prends ce véhicule, je donne à tel frère. Est-ce que le Seigneur peut te dire maintenant qu'il y a ses serviteurs dans le monde entier qui décident prêcher l'évangile? Il y a Justice Télévision, il y a Télévision Femme Vertu qui décide prêcher l'évangile. Il faut des ordinateurs, il faut des appareils. Est-ce que si Jésus te met en cœur que maintenant que parle là-bas et fais quelque chose, c'est la forme de foi par rapport à la parole qui t'a été prêchée, est-ce que tu peux le faire? Vous voyez? Maintenant, si on n'enseigne pas aux gens la façon de le faire, les gens vont aller à la dérive. Donc on va voir ce volet tout à l'heure. Il dit quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, étant possédés de l'amour de l'argent. Et se sont jetés eux-mêmes. Ce n'est pas quelqu'un qui les a poussés. Ce n'est pas le démon qui les a poussés. Ils se sont jetés eux-mêmes. Donc, mon cher ami, si tu prêches, c'est l'amour de l'argent, le poisson, comme on dit ici, là, le bourreau d'enjeu, comme on dit en Côte d'Ivoire, que tu veux faire le grand dos, vois comment tu vois comment tu es fringué. Non. Regardez le ministère de la vie, l'habillement chrétien, mais ce n'est pas ça dans le Nouveau Testament. Il n'y a aucun accoutrement chrétien. Si un temps vendant, c'est dans lequel on va parler de l'accoutrement chrétien par rapport au dimanche. Le fait qu'on a instauré le Christ le dimanche, on dit qu'on est en dimanche. Pour dire qu'on va occuper une fois qu'on aurait le grand Dieu, est un Dieu propre qu'on nous met dans le bâtiment propre. Si c'est comme ça qu'on doit comprendre notre Dieu, il ne devait pas aller descendre, aller dans son fils Jésus-Christ, dans une étable. Souvenez-vous de la naissance de Jésus-Christ, là où il allait naître. Le grand Dieu, le roi de gloire, descend dans la chair, dans une étable où il y a les poussins, où il y a toutes ces choses défectueuses. Imaginez la senteur. Il pouvait naître à l'hôtel, dans les grands hôtels de luxe qu'il y avait en ce moment-là, mais il a décidé d'aller là-bas. C'est rabaissant lui-même en prenant comme le serviteur. Ça vous fait quoi là? De dire de ce Jésus-Christ-là qu'il est le Seigneur et de comprendre là où il est né. Il pouvait choisir de naître chez Pilate. Il pouvait choisir de naître chez un grand soin de sacrification où il y a de l'abondance. Mais il s'est rabaissé dans la pauvreté. Voilà pourquoi les gens pauvres comprenaient bien. Parce qu'il les savait. Il savait que c'est quelqu'un qui est de leur vie. Il a descendu jusque-là. Mais aujourd'hui, dans les dénominations, dans nos assemblées, il y a des endroits où personne ne peut s'asseoir parce que c'est spécial pour les gens, parce qu'en fonction de leurs dîmes et des offrandes, des paquets qu'ils donnent aux assemblées, en fonction de la contribution qu'ils donnent aux assemblées, finalement, l'amour maintenant, ou bien l'échange mutuel est basé sur les capacités humaines à donner dans l'assemblée. Frère, il faut qu'on se répande. Il faut que l'Église du Seigneur Jésus vienne à la repentance, vienne à genoux et puis parce qu'il y a des abominations qu'on a entrées dans l'assemblée. Donc il dit qu'à quelques-uns, en étant posés par l'amour de l'argent, la soif de l'argent. Donc, si vous pouvez remarquer ceux qui ont l'amour de l'argent, quand ils vont prêcher l'évangile, prenez seulement 14 minutes, ou bien prenez 40 minutes, vous allez voir que les deux tiers de la chose va tourner autour du matériel, au bien matériel, autour des bénédictions matérielles. Donc, vous pouvez commencer à sillonner et voir cela. Bien qu'ils puissent présenter l'évangile, l'œuvre de la croix du Seigneur Jésus et la victoire des chrétiens sur le péché, ainsi de suite, remarquez très bien, ils vont tourner, ils vont revenir là-bas. Pourquoi? Parce que la facette de cette présentation de l'évangile, de cet évangile-là, c'est là-bas. Mais à l'intérieur, c'est le motif impur. Le motif impur. Maintenant, regardez bien, verset 11 maintenant. Il était bien aimé. Amis, frères et sœurs dans le monde entier, vous qui prêchez la doctrine de prospérité, écoutez bien ce que la Bible déclare. Il dit, pour toi, homme de Dieu, je vous dis voilà, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, ce qu'on a décrit ici, l'amour de l'argent, et ainsi de suite. Fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi. N'est-ce pas que le Seigneur Jésus a dit dans le chapitre de Jérémie, fuis ces choses, abandonne ces choses, ne te concentre pas sur cela, cherche plutôt le royaume de la justice. Il dit, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Et on essaie de dire, combat le bon combat de la foi. Amen. Donc, nous dit voilà. Donc, plusieurs personnes présentent donc les chrétiens comme les chrétiens devraient être riches. Pourtant, même si vous regardez dans la Bible, mes chers amis, je vais encore redire ici. Homme de Dieu, fuis l'amour de l'argent, fuis la doctrine de prospérité, fuis la soif à t'enrichir. Souvenez-vous encore, je vous le dis, Proverbe chapitre 23, verset 4 et 5. Fuis la soif de t'enrichir, fuis cet évangile-là, change. Si vous avez fait la théologie, quelque part où on enseignait ces choses-là, que les chrétiens ne peuvent pas être pauvres, frère bien-aimé, je te conseille, déchire ces choses. Reviens dans la Bible. Beaucoup de personnes fuient la souffrance de Christ. Si vous lisez dans 1 Timothée chapitre, nous sommes dans 1 Timothée, disons 2 Timothée chapitre 1, le verset 8. 2 Timothée chapitre 1, verset 8. Parce qu'on fuit comme ça la souffrance. 2 Timothée chapitre 1, le verset 8. Regardez bien ce qui est écrit. Il dit, n'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi ton prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile. Souffre avec moi pour l'évangile. Les gens prennent les écritures pour tordre le sang, comme vous dites, quand les chrétiens, quand on est en Christ, on ne doit plus souffrir. C'est une malédiction si on ne souffre jamais. L'apôtre Paul dit à Timothée, il dit, souffre avec moi pour l'évangile. Souffre avec moi. Vous dites, souffrir. Et pas de souffrir pour l'évangile. Vous voyez, donc l'évangile impose sa souffrance. L'évangile impose sa souffrance. Donc, on ne peut pas venir à l'évangile et prendre maintenant les versets qu'on a tort en disant que je suis riche. Non. Dans 2 Timothée chapitre 2, toujours, verset 3. 2 Timothée chapitre 2, le verset 3, regardez ce qui est écrit. Le verset 3, il dit encore, regardez, on a dit 2 Timothée chapitre 1, verset 8. 2 Timothée chapitre 2, verset 3 dit quoi? Il dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Vous voyez? Et il dit, il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie. Vous voyez, prenez ça, il prend les choses pratiques là pour enseigner. Donc si tu es un soldat de Christ, tu ne dois pas t'inquiéter des affaires de la vie. Vous voyez, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Donc, bien aimé, le fait d'esprit te pose une question. Est-ce Jésus qui t'a enrôlé? Alors, si c'est lui, tu dois faire tout et tout pour lui plaire. Et pour lui plaire, ce n'est pas possible de vouloir plaire, chercher à plaire à Jésus, comme il a dit dans le verset 11, combat le bon combat de la foi. C'est-à-dire, il a dit éternel, non, au verset 11, tout homme de Dieu fuit ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Il dit maintenant qu'il n'y a pas de soldat qui a été enrôlé, s'intéresse des choses, des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Il dit, et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Vous voyez, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Vous voyez, donc travaillons avec crainte et tremblement dans l'appel que le Seigneur nous a accordé. D'accord, frères et sœurs, ne nous tourmentons pas à nous enrichir. Jésus-Christ nous a enrôlé. Remarquez que dans cette image qu'on présente dans le livre de 2 Timothée chapitre 2, verset 3, il dit, il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie. Pourquoi? Le soldat, quand il est enrôlé pour défendre le territoire. Il a une mission bien précise. Et dans le groupe de soldats, au sein des militaires dont on parle ici, chaque personne a sa tâche bien assignée. Et le militaire va remplir sa tâche. La paix est initiée, ou mieux, la paix est donnée par la personne qui l'a enrôlé. C'est ce qui est révélé ici. Il dit, et la lettre n'est pas couronnée s'il n'a pas combattu suivant les règles. Donc, combat suivant les règles de la prédication. Prêche l'évangile. Jésus a appelé ses disciples, après les a envoyés dans Matthieu chapitre 10, il a dit, allez deux à deux. Vous voyez, ne prenez que les habits de l'échange. Après qu'ils sont rentrés, il a dit, avez-vous manqué de quoi que ce soit quand je vous avais envoyé? Ils ont dit non. Vous voyez, pourquoi? Parce que la bénédiction de Dieu était derrière envoyé. Il les a envoyés, il a dit, allez. Quand Dieu dit allez, il s'équipe proprement au sens physique et au sens spirituel par rapport à toutes les aptitudes, toutes les obstacles que tu pourras rencontrer. Est-ce que vous comprenez bien, mes soeurs? Regardez bien. Je réponds, moi encore, si Dieu t'a appelé, si c'est Jésus qui t'a appelé, qui t'a enrôlé, il va s'occuper. Donc ce n'est pas à toi de s'occuper de tes affaires. Si t'as enrôlé, alors il va s'occuper de toi. Donc ce n'est pas à toi de s'occuper des affaires de cette vie-ci. Amen. Verset chapitre 5, chapitre 4 de ce livre, verset 5. Regardez bien encore. Dans le même livre, je t'en prends parce que les gens fuient les souffrances qu'il y a dans le Seigneur. Maintenant, dans le même livre, on a répété trois fois. 2 Timothée chapitre 1, verset 8. 2 Timothée chapitre 2, verset 3 à 4. Maintenant, dans chapitre 4, il va encore dire la même chose. Regardez bien. Verset 5, regardez bien. Verset 5. Il dit, mais toi, toujours à Timothée, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Supporte. Il n'a pas dit prie. Si c'était aujourd'hui, comme les amis charismatiques et pandémiques, ils vont dire que je sois de la souffrance au nom de Jésus. Je suis au-dessus de la souffrance. La souffrance n'est plus pour moi. Je suis en haut et je suis en bas. Je suis dans les lieux célestes. Il a dit, supporte. Il n'a pas dit prie. Il n'y a nulle part qu'on prie contre les souffrances, mon cher frère. Ma chère frère, il n'y a nulle part qu'on prie contre les souffrances. La Bible est claire. Si vous n'avez pas peur au châtiment, au Christ, on parle de des enfants, vous ne parlez pas. Donc, le témoignage vrai dans l'évangile, Dieu nous passe lieu à pour éprouver. Pour éprouver, eh bien, il dit notre part que ce que l'on prie, qui ne passe pas le feu, pour être la célébrité de notre foi. Amen. Dans cette période, on est célébré tout à l'heure. Il dit, avec toi, sois sobre en toutes choses. Donc, sois vigilant, sois éclairé. En toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre de l'évangile, remplis bien ton ministère. Ça, c'est l'exhortation, c'est le conseil pour un frère aujourd'hui, pour les frères qui étaient dans cette doctrine prospérité. Vous allez beau vous justifier n'importe comment, vous n'avez pas d'argument devant le Seigneur des armées pour faire quoi que ce soit par rapport à la doctrine prospérité. Dieu n'a pas ordonné comme prêche aux chrétiens d'être riche. Dieu nous a assigné la vocation. Vocation en grec clé, C'est-à-dire que la cette vocation qui nous a pour la chose céleste, c'est la chose céleste. C'est pour prêcher afin que les gens soient connectés en haut et non en bas. Donc, détournez pour les gens. Allons dans la Bible, chapitre 1. Allons dans la Bible, regardons quelque chose. Philippiens. Bien-aimés dans le monde entier, Philippiens, chapitre 1, lisons le verset 15. Oh mon Dieu. Donc, souvenez-vous, les deux groupes, la notion de prospérité, les semences étaient dans la Bible. Et ce qu'on va voir maintenant, Philippiens chapitre 1, je vais vraiment doucement. Je sais que beaucoup de personnes sont plaintes que je vais vraiment vite, mais, oh mon Dieu, Seigneur, nous te remercions, nous te remercions pour ce moment merveilleux que nous passons en ta présence. Regardez bien, si vous y êtes, on va y aller. Philippiens chapitre 1, les versets 15 à 18. Écoutez très bien. Verset 15 à 18. Regardez, frère. Quelques-uns, il est vrai, prescrits par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Vous voyez, donc il y a des gens qui prêchent par envie, par dispute. Regardez bien. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'évangile, pour défendre l'évangile. Oh mon Dieu. Tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ, écoutez bien, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs. Et avec la parenté, il m'a suscité quelques tribulations dans mes liens. Qu'importe. De toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Qu'est-ce que l'apôtre veut nous dire? L'apôtre veut nous dire que les gens prêchent bien Christ. Il y a beaucoup de personnes parmi nous qui prêchent Christ avec de bonnes dispositions, qui prêchent Christ étant appelés, mais qui prêchent, d'autres prêchent Christ avec de mauvaises dispositions derrière. Souvenez-vous dans le livre de M, dans 1 Thessaloniciens chapitre 1 et chapitre 2, il va dire que nous avons prêché la parole de Dieu et vous, nous n'avons pas eu des motifs de cupidité, nous n'avons pas eu de la cupidité pour motif, nous n'avons pas désiré votre bien lorsque nous sommes venus vers vous pour prêcher. Jamais, jamais, c'est pas pour cela que nous avons été parmi vous. Amen. Donc, il dit qu'il y a des gens qui prêchent Christ avec de mauvaises désirs, avec de mauvaises pensées. Il dit, soit, Christ n'en est pas moins annoncé. Par exemple, quand tu as dit que les gens vont prêcher ces doctrines de prospérité, ils vont dire, ils peuvent présenter l'évangile bien. Ou bien la Bible, les doctrines de l'Apocalypse, des Genèse d'Apocalypse, étaient claires. Mais la chose est que dès le départ, ils ont un mauvais motif. Donc, l'objectif de notre prédication, le but de notre prédication, les motivations de notre prédication importent pour le Seigneur. Ça ne sert absolument à rien d'être glorifié sur cette terre et qui part ensuite, qui part dans le feu de la gêne, mon frère. Ça ne sert absolument à rien. Récitez-toi, l'amour de la vérité doit t'affranchir ce soir. Ou bien c'est l'amour de l'argent qui doit te faire entrer dans cette tentation et dans ce piège dedans, dont les gens tombent sans s'en rendre compte. Amen. Allons dans le chapitre 3, verset 9, chrétiens. Chapitre 3, puisqu'on y est, il y a tellement de passages, frère. Si on parle depuis la gêne de l'Apocalypse, tellement de passages, tellement de passages. Philippiens chapitre 1, donc je montre ici, au fur et à mesure, si vous venez de nous prendre là, je suis en train de montrer clairement que là, c'est une démence, c'est quelqu'un qui prête la doctrine, il a déliré vraiment. Il a fait conduire les gens à se concentrer sur les choses terrestres. Montrer les choses de la terre avec la doctrine de prospérité, et je veux vous montrer que s'il est rempli du Saint-Esprit, il doit chercher les choses en vous. S'il est rempli du Saint-Esprit, il va savoir que le Saint-Esprit va davantage lui révéler les profondeurs de Christ. Et on n'a même pas le temps pour s'occuper de ces choses de la tête. Tellement, si nous sommes humbles de cœur pour recevoir l'instruction de la part du Seigneur, nous devons comprendre que si nous nous confions dans l'Écriture, nous n'allons même pas avoir le temps même pour prier, même pour nos besoins physiques et matériels. Directement, Dieu, par sa grâce, continue à nous combler. Amen. Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3, verset 17, il va commencer. Verset 17, Philippiens chapitre 3, je vais commencer à partir du verset 17 jusqu'au verset 20. Regardez bien. Soyez tous mes imitateurs. Vous avez compris, mes frères? Soyez tous mes imitateurs. Et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Arrêtons d'abord la question. L'apôtre Pierre, souvenez-vous dans le livre 1 Timothée, non, dans le livre 1 Corinthiens, il dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Regardez ici, il dit, soyez tous. Donc, tous les disciples doivent être les imitateurs de l'apôtre Paul. Et elle a dit, comporte les regards de ceux qui marchent comme l'apôtre Paul a prêché. Donc, l'apôtre Paul a-t-il prêché que les chrétiens doivent être nécessairement riches sur cette terre-ci? Non. Non. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, il a dit que quand nous-mêmes, si la cette tente dans laquelle nous vivons est détruite, vous voyez, les légères afflictions du moment ne seront pas être comparées au poids de la gloire qui sera révélée. C'est ce que l'apôtre Paul nous a enseigné. Voilà ce qu'il nous a enseigné. Il dit, on soit ses imitateurs. Si cette tente dans laquelle nous habitons est détruite, nous avons un autre qui nous attend encore, qui n'est pas fait de grand homme, qui n'est pas de chrétiens. Vous voyez cela, frère? Voilà ce que l'apôtre Paul nous a fait. L'apôtre Paul nous a enseigné dans le Colossiens chapitre 3, verset 1, il dit, Si vous avez ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut. C'est terrible. Et il a clairement écrit en disant, et non, et celles qui sont sur la terre. Donc Dieu nous a formellement interdit à rechercher les choses qui sont sur la terre. L'apôtre Paul dit qu'on est, on porte les regards sur ceux qui marchent après ce modèle-là. Donc s'il y a quelqu'un qui marche après le modèle de l'apôtre Paul en cherchant les choses spirituelles, c'est sur lui qu'on doit porter les regards. Maintenant il va avec lui, il dit, car en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Pourquoi pas de la croix de Christ? Parce que la croix est un symbole de l'agonie, de la souffrance, de la croix. Donc beaucoup de chrétiens fuient la souffrance aujourd'hui. On a enseigné aux gens que depuis que Christ est allé à la croix, on n'a plus le droit de souffrir. Non. Christ ne nous a pas venu pour délivrer de la souffrance. Non, jamais. Il est venu pour nous délivrer de la colère à venir. Pour nous faire entrer dans son royaume, vie de son amour. Et la Bible est claire. La flèche n'est pas combattue, n'est pas couronnée. En fait, deux Timothée que nous avons lu, n'est pas couronnée, n'est pas combattue selon la règle. Il y a des règles pour hériter de ces choses-là. Amen. Il y a des règles pour hériter de ces choses-là. Si la lettre, on met la couronne là-bas, on dit la lettre que tout le monde prend. Qui va aller prendre? Il faut qu'on court d'après les règles pour que le premier puisse en posséder. Donc, ici, il dit quand il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Vous voyez comment le Saint-Esprit dans le cœur de l'apôtre pleurait déjà parce que les gens marchaient en ennemi de la croix. Il prêchait que les gens ne devaient pas suivre la croix. Si on prêchait l'évangile de ce qui est Dieu, on dit non, non, non, vous êtes trop dur. Vous voyez, voilà pourquoi beaucoup de personnes n'aiment pas trop l'évangile. L'évangile de la difficulté, la mort en soi-même. Le moi doit mourir. Si le je possède, c'est pour moi. C'est pour moi, c'est comme la fortune, ça doit quitter. C'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Pas Christ en nous, régnant sur cette terre, non. C'est Christ en nous, l'espérance. C'est en espérance que nous sommes sauvés. Alléluia. Donc ici, verset 19, le seul sera la perdition. Vous voyez là, on en est, mon cher ami. Dans 1 Timothée chapitre 10, on a dit clairement qu'ils sont tombés dans la tentation et dans les pièges et beaucoup d'autres tourments. Vous voyez ici, on dit la fin de cette personne-là sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Écoutez maintenant, soulignez ceci. Il ne pense qu'aux choses de la terre. Vous voyez? Il ne pense qu'aux choses de la terre. Il ne pense qu'aux choses de la terre. Il prend des versets comme 3 Jean, verset 1, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous les gars, que tu sois en bonne santé, comme prospère les gars de ton âme. Deuxièmement, comme on a vu le mot prospérer là-bas, deuxièmement, on détourne. On commence à dire, voici la volonté de Dieu que tu sois prospère. Or, la Bible, il a dit clairement, comme prospère les gars de ton âme. Fornicateur, lisons la Bible et laissez la Bible s'interpréter. Le Saint-Esprit est capable et c'est le Saint-Esprit seul qui doit interpréter. Il dit, bien aimé, tu es à tous égards comme prospère l'état de ton âme. L'âme prospère, si tu n'as jamais entendu ça, prédicateur, docteur et puis aujourd'hui, si tu n'as jamais compris cela, comprends que l'âme prospère lorsqu'elle est régénérée par la parole vivante, l'état de Dieu. Donc il veut que tu grandis dans la parole, comme l'âme a été régénérée, de la même façon. Tu commences à dire, voici, Dieu a dit qu'on soit riche matériellement. Et on parle comme ça à Gaïus. Gaïus qui est déjà riche. Alléluia. Donc, maintenant, il dit ici qu'il ne pense qu'aux choses de la terre. Maintenant, regardez bien. Donc, il y a deux groupes. Les gens qui pensent aux choses de la terre et les gens qui pensent au ciel. Il dit, mais notre cité en nous est dans les cieux. Donc, choisis ton camp ce soir. Soit tu es du groupe qui pense aux choses de la terre, soit tu es du groupe qui se focalise pour les cieux. Il dit, ceux-là qui prêchent Christ, ils ont pour Dieu leur ventre. De nombreux mots disent que oh, Jésus-Christ est Seigneur. Souvenez-vous de cela, Satan le sait. Les apôtres chassaient les démons. Jésus-Christ chassait les démons. Ils ont dit que tu es le fils de Dieu, tu es où? Ça ne veut pas dire qu'il est le démon. Que le démon là a la vie éternelle. Jamais, jamais. La vie, Jésus a dit, c'est par le fruit que vous allez reconnaître. Ta vie de prospérité, ta vie de souffrance ou ta vie de prospérité va se démarquer. Il dit ici, il ne pense qu'aux choses de la terre. Mais notre cité en nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc deux choses, deux personnes, deux royaumes. Le royaume de la terre maintenant est contrôlé par Satan. C'est ce que la Bible déclare dans 1 Jean chapitre 5, verset 19. Il dit car le monde entier est sous la puissance du malheur, du diable. Donc si tu veux dominer cette terre-ci, tu vas directement aller sous la puissance de Satan. Parce que c'est lui le prince de ces siècles. Dans le livre des Éphésiens chapitre 2, là qu'on appelle le prince de la puissance des airs, de l'air. Donc celui qui contrôle maintenant. Souvenez-vous, si vous lisez votre livre dans le livre de Matthieu chapitre 4, lorsque le Christ a été tenté par Satan lui-même, il a dit, prosterne-toi devant moi et je te donne le rang de cette terre-ci avec toute sa richesse et sa gloire. Vous voyez comment cela? Pourquoi? Remarquez que le Seigneur Jésus-Christ ne lui a pas dit que ce n'est pas pour toi, usurpateur, menteur. parce que vous aimez chasser les démons d'apôtre et parler en disant que ça a été manqué, ça ne lui appartient pas. Non. Il a dit clairement, je te donnerai car cela m'a été donné. Jésus n'a pas dit que tu étais un menteur. Jamais. Jésus n'a pas dit, il a dit, arrive devant Satan. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ, il voulait que, écoutez bien, voici une image. Satan voulait que Jésus prenne le royaume, prenne la gloire sans souffrance. Regardez très bien. Regardez l'image. Dans cette tentation, Satan présente à Jésus-Christ que c'est facile d'être riche, facile d'avoir le bien de ce monde aussi. Tu peux le faire, tu peux prendre possession de ce monde aussi, sans passer par la souffrance. Mais Jésus lui a dit, arrête de moi Satan, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Ce n'est pas la pensée de Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que c'est après avoir eu un des actes bien qui fuit, et l'obéissance par la souffrance, Jésus-Christ. Bien qu'il fût dans la position du fils, il a pris l'obéissance par la souffrance. Donc, Dieu nous a dit dans ces différentes souffrances et tribulations qui permet que ça nous arrive, afin que nous ne pas à sa sainteté. Vous voyez, Jésus lui a dit, arrête de moi, Satan. Vous voyez cela? Alléluia, car tu as de la souffrance en Dieu. Satan présente l'évangile face aux gens. Et les gens présentent cela directement, c'est bien leur Dieu. Et Dieu les vend. Ils se concentrent. Pourquoi? Parce que ce qui a triomphé de toi, c'est devenu ton Dieu. Dans notre cœur, nous devons avoir uniquement une seule personne, Dieu, le Père, qui habite en nous, pas son esprit, le Saint-Esprit. C'est seulement lui. Et nous allons nous focaliser sur lui. Et notre espérance qui est en haut. Vous voyez? Donc Jésus a compris que Satan voulait lui proposer les richesses sans la souffrance, sans la croix. Jésus a dit jamais, j'accepte la croix, puis la gloire qui va venir par la suite. Il n'y a pas de gloire par la suite sans la croix. Il n'y a pas de gloire sans la croix. Il n'y a pas la gloire sans la souffrance. Bien qu'il suffit, il a appris l'obéissance. Vous voyez, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Vous voyez, on dit qu'il sera en acte obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Et tous ceux qui passent par la croix, qui meurent en Christ, Dieu va les élever, il va les faire asseoir ensemble avec lui dans les lieux célestes. Amen. Donc toute personne, pour que tu sois resté avec Jésus-Christ, il faut passer par la croix. Et remarquez que ça, beaucoup de personnes sont arrivées au filet du diable au niveau de la tentation des biens matériels, la terrestre. Vous voyez, le prince de la terre, c'est Satan. Le Dieu de ce siècle, c'est Satan. Et s'il prend la doctrine, la possibilité, l'inspiration et l'inspiration qui est sur toi, c'est Satan qui te donne. Souvenez-vous, Satan a pris le verset de Dieu dans cette tentation-là pour prêcher l'évangile à Jésus-Christ. Mais il a perdu le sens. Toute personne qui va prêcher l'évangile avec la doctrine et la possibilité va perdre le sens de l'écriture. Remarquez très bien, il savait que Jésus-Christ c'est le Dieu. Il savait que Jésus-Christ c'est le roi, c'est un roi. Il dit que je donnerai ce royaume-ci. Or, Jésus-Christ est un roi. Vous voyez, mais il veut qu'il possède le royaume sans cela. Pilate a posé la question, Jésus a dit que mon royaume n'est pas de ce monde. Donc, et curieusement, son royaume va venir. Lisez toutes les prophéties dans Daniel chapitre 2, chapitre 6 et autres chapitre 7. La Bible déclare qu'à la fin du temps de ces rois-là, le Dieu du ciel suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit sans le secours d'aucun homme. Donc, il y a un royaume qui est à venir. Voilà pourquoi j'ai parti prêcher le royaume. Jésus-Christ prêchait le royaume. Les apôtres prêchaient le royaume. Alléluia. Parce qu'il y a un royaume qui va s'établir sur cette terre-ci. Aussi clair que je suis en train de vous parler maintenant, et vous en allez voir maintenant, Jésus va régner sur cette terre-ci. Et c'est dans ces règnes-là que les chrétiens vont venir avec lui, après artisans des prospérités, des doctrines de prospérité. Vous dites, on est des rois et des sacrificateurs. La Bible déclare qu'ils régneront, régneront, enfin qu'ils règnent maintenant. Amen. Amen. Alors, dans le livre des Colossiens, des 1 Corinthiens, voyons quelque chose, une exhortation encore là-bas que le Saint-Esprit a donné. 1 Corinthiens. Nous sommes depuis dans le Nouveau Testament, pourquoi vous voyez? Alléluia. Nous voyons la doctrine de la prospérité face à la Bible. 1 Corinthiens, le chapitre, je vais prendre le chapitre 1, le verset 26. Le chapitre 1, le verset 26. Écoutez bien, mes frères. Au verset 10, il va dire que la prédication de la foi est une folie pour ceux qui périssent. Vous voyez, les gens n'aiment pas la croix. La croix, c'est le symbole de puissance, c'est le symbole également de libération, c'est le symbole de souffrance aussi, d'agonie, comme je l'ai dit tout à l'heure. Au verset 10, il va dire que, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen. Regardez maintenant verset 26, regardons verset 26, regardez bien. Ce sont les versets qu'on lit, on traverse, mais regardez comment c'est révélateur. Regardez. Verset 26 dit quoi? Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a pas un, beaucoup de stages selon la chair. Donc les gens qui fréquentent pour aller à la théologie, à aller voir 12 ans de prédiction d'expérience pour voir enseigner non. Il dit, considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de stages selon la chair, ni beaucoup de puissance, ni beaucoup de noms. Vous avez vu cela? Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour comprendre les stages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour comprendre. Et Dieu a choisi les choses vives du monde. Et celles qu'on méprise, toi petit troupeau de Dieu, celles qu'on méprise, celles qui sont pour réduire à néant, celles qui sont. afin que nous cherchions des bénéfices devant le Seigneur. Qu'est-ce qu'il dit au verset 26? Il dit qu'il n'y ait pas beaucoup de puissants. Vous voyez ça? Pas beaucoup de puissants, pas beaucoup de nobles. Nobles, ceux qui sont riches, qu'on considère que ce sont les chefs, voici les chefs, voici les gens donc, qui ont la chose, voici les gens qui sont riches. Dieu dit qu'il ne faut pas qu'il y ait ça parmi nous. Alléluia. Dieu dit qu'il ne faut pas qu'il y ait ça parmi nous, il ne faut pas qu'il y ait ça parmi nous, nous qui avons cru. Amen. Prenons encore notre passage. Je suis en train de prendre comme ça pour montrer clairement que face à la Bible, la doctrine de la prospérité tombe. Hébreux chapitre 10. Hébreux, le livre d'Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Mon cher frère dans le monde entier, mes chers frères dans le monde entier. Hébreux chapitre 10. La doctrine de la prospérité n'est pas de Dieu. C'est une doctrine que Satan a initiée pour décontenter les gens sur les choses les meilleures, sur les choses spirituelles. Donc, si c'est pour retenir quelque chose, mon cher frère, ma chère soeur, c'est ce qu'il faut retenir. Maintenant, regardez bien. Regardez bien, verset 34 du chapitre 10 de Hébreux. Regardez bien, frère. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers. Et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez les biens les meilleurs, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Verset 35. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Vous avez vu? On dit ici que, regardez bien, commençons à partir du verset 32, regardez. Nous sommes du verset 32, quand nous commençons du verset 35, regardez. La Bible déclare, souvenez-vous des sept premiers jours où, après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Voilà encore la chose. Les gens ont peur de la foi. Les gens qui ont cru ont soutenu beaucoup de combats, ont eu beaucoup de combats dans la foi. Regardez bien, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposé comme un spectacle aux autres et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à d'autres, à ceux dont la position était la même, donc ils sont de la même façon. Et la Bible va dire qu'on soit des imitateurs. En effet, vous avez pris de la compassion pour les prisonniers, hein, et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens. Donc, durant ce moment, Néron et autres ont confisqué les biens des chrétiens. Et les gens se laissaient clairement mourir, d'autres se laissaient vraiment qu'on se dépouille de leurs biens. Aujourd'hui, on dit, les chrétiens se laissaient dépouiller, sachant qu'ils avaient les biens des meilleurs qui ne peuvent pas, qui durent pour toujours. C'est-à-dire quoi? Dans les cieux. Où est-ce là? Aujourd'hui, on se concentre, attendez que la personne vienne sur l'église. Attendez que cette verbe de personnes vienne sur l'église, vous allez voir. Les gens qui sont convaincus dans le bien matériel, qui disent que Jésus m'a béni. Dieu m'a béni, alléluia. Vous n'allez pas dire que votre Dieu était le bien, ce n'est pas Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre roi, il est notre grand frère, notre sacrificateur, celui qui a scellé de son sang pour la rédemption terminée. Amen. Donc tout cela qui est dans la gloire des hommes, qui est dans la gloire de la prospérité, quand le monde va venir, vous allez voir très bien. Avec un événement fâcheux directement, on va voir exactement leur Dieu. C'est le Dieu de ce monde aussi, le Dieu de Satan. Donc, vous voyez que les chrétiens avaient laissé dépouiller, c'était laissé dépouiller. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nous voyons des pasteurs qui sont dans les tribunaux pour discuter des terrains. D'autres pasteurs portent même plainte sur des chrétiens pour les escroquerie. Et la Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 6 que c'est déjà certes un mal dans le corps de Christ qui est des disputes et des discussions comme ça parmi nous. Et on part comme ça se plaindre chez les païens. Amen. Donc, frères et sœurs, la doctrine de l'évangile là ne vient pas de Dieu. Cette doctrine des prospérités ne vient pas de Dieu. L'écriture ne nous enseigne nulle part que le chrétien est fait pour être riche dans ce monde-ci. Nulle part. Nulle part. Prenons encore un autre passage comme ça. Parce que les chrétiens fuient comme ça, à la souffrance. Je vais prendre quelques passages comme ça. Prenons quatre passages sur la souffrance des chrétiens. Et de ce jour, on va voir l'évangile des souffrances. L'évangile des souffrances et la gloire. Et je crois que pour les gens qui ont dénoncé des choses comme ça, que le Saint-Esprit de l'évangile des souffrances de Christ et la gloire à venir. Donc, on pourrait prendre ce thème-là un jour et en partager. Philippiens chapitre 1, on a lu le verset 15, Philippiens. On a lu le verset 15 tout à l'heure, verset 15 à 18. Allons sur le verset 27 à 29. Regardons quelque chose bien aimé. Lisons le verset 27 à 29 de Philippiens chapitre 1. Verset 27 à 29, écoutez bien. Oh, j'aime la parole de Dieu. Pas toi, mon frère, pas toi, ma soeur à la maison. Regardez bien. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Pour la foi de l'évangile. Verset 29, verset 28. Sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Verset 29, enfin, regardez, j'aime trop ce verset 29. Écoutez. source de salut. Regardez bien. Et cela de la part de Dieu. Et cela de la part de Dieu. Car il vous a été. Regardez bien, oh mon, j'aimerais bien dire cela. Permettez-moi bien, mes frères et sœurs. Et cela de la part de Dieu, car il a été fait, car il vous a été fait la grâce. Il vous, nous les chrétiens, vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Amen. Donc, la Bible nous enseigne que c'est la grâce, c'est une grâce même de souffrir pour Christ. Oh mon Dieu. Donc, c'est une grâce. Donc, Dieu dit clairement ici que Dieu a fait la grâce en Christ, ce sera même une grâce. C'est déjà une grâce pour être sauvé par Christ, de croire même en Christ. Parce que la Bible déclare que dans Éphésiens chapitre 2, le verset dit que c'est par grâce que vous êtes sauvés. Vous voyez cela? C'est pas le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous. Amen. Donc, il dit que cette grâce-là n'était pas seulement cela. Il y a de la grâce pour croire en Christ, il y a aussi la grâce pour souffrir en lui. Donc, c'est la grâce, c'est une grâce également de souffrir pour Christ. Les chrétiens aujourd'hui aiment croire en Christ et c'est limite d'abord, ils n'aiment pas la deuxième partie, souffrir pour Christ. On ne veut pas souffrir pour lui, non, on dit non. Lui, Jésus a tout accompli. On n'a plus besoin de souffrir. Et la Bible nous enseigne clairement que il a besoin d'être fait grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui. Donc, bien aimé, si tu as cru en Christ, tu dois avoir des souffrances pour lui. Amen. Donc, ça règle le problème là-bas. Actes des Apôtres, chapitre 14. Actes des Apôtres, chapitre 14. Alléluia. Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 21 et 22. Lisons cela. Actes, chapitre 14, verset 21 et 22. Ça, c'est à l'Istre. Et puis, ils ont réussi à retourner en Dieu. Je marchais partout. À l'Istre, il traversait la Pentecôte et la Pisidie partout pour forcer les disciples. Lisons. Le verset 21 à 22 de Actes chapitre 14, regardez bien. Quand Jésus eut évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, il retournait à Lystre, à Icône et à Antioche. Regardez bien, frères et sœurs, verset 22. Fortifiant l'esprit des disciples. Donc, il faut préparer les disciples. Fortifiant l'esprit des disciples. Les exhortant à persévérer dans la foi et disant, écoutez bien. Vous pouvez ne pas aimer cela, mais c'est l'évangile, mes chers amis. Et disant que ce n'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Vous avez entendu, vous? Vous avez entendu? Donc, la Bible déclare ici, le Saint-Esprit dit que ce n'est pas beaucoup de tribulations, on doit persévérer. Il faut que les chrétiens soient armés, leur âme, leur esprit comme ça. Ce n'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume. Donc, vous croyez, non, Jésus a tout accompli, il n'a plus souffri. Je dis, Seigneur, donne-moi mon miracle, fais mon miracle, je réclame comme Sarah. Ça a 25 ans pour avoir un fils. Toi, tu ne peux pas tenir un mois. Mon Dieu. Ce garçon qui était à la piscine de Bethesda a fait 38 ans dans la maladie. Pour toi, quand tu fais un an de maladie, tu es sur l'île de maladie, tu commences à désespérer. Et on dit qu'on a foi en Dieu. Alléluia. Donc, ici, il dit, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que ce n'est pas beaucoup de tribulations qui nous font entrer dans le royaume. Amen. Donc Jésus-Christ nous renseigne. Le Saint-Esprit nous enseigne que ce n'est pas beaucoup de tribulations. On ne peut pas entrer dans son royaume sans tribulation. Et la Bible déclare dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 12, quand et tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus seront persécutés. Amen. Prenons 1 Pierre, on va lire parce que dans 1 Pierre, on va avancer dans la chose. 1 Pierre chapitre 2, verset 19 à 21. 1 Pierre, le chapitre 2. 1 Pierre. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui nous entendent, nous écoutent ce soir. Vous tous dans le monde entier qui écoutez cet enseignement ce soir, je remercie vraiment le Seigneur grandement. Comme on sent chaque fois, et c'est comme ça dans toutes les périodes de l'Église. Chaque fois qu'il y a l'obscurité, parce qu'à l'entrée de l'obscurité, Dieu suit ses serviteurs pour éclairer. Donc il y a les torches, des lampes que Dieu a de mettre partout pour éclairer son Église. C'est une Église en cette période de temps. Dans le monde entier, avec les différentes trompettes qui sont en train de sonner, de part d'autre pour ramener les gens à la sainte doctrine. Souvenez-vous, un petit groupe seulement en sortira. Amen. Donc, 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 19 à 21, chapitre 2, verset 19 à 21, écoutez très bien. Je sais que vous n'aimez pas les parties de la Bible comme ça. Il y a des gens qui n'aiment pas les parties de la Bible comme ça, mais c'est la vérité. L'écriture ne peut pas être anéantie, mon cher ami. Si tu n'aimes pas, nous prêcherons quand même. Verset 19, la Bible déclare, car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Donc, les vrais chrétiens doivent souffrir, mais c'est injustement. Souvenez-vous, Jésus lui-même a été accusé et crucifié à tort. Où est-ce là? Pourtant, il n'avait rien fait. Sans péché, on a compris.